all that matters. We're on our way, united. Turn the crowd up now. We'll never back down. We shoot down a skyline. Watch it on prime time. Turn up the love now. Listen up now. Turn up the love. Who's gonna save the world tonight? Who's gonna bring it back to life? Le petit de la Swedish, là, quand tu attaques ton vendredi, il fait plaisir. Il fait zizir, ah, oui, tout à on fait. On va pas se mentir, il fait plaisir. T'allumes la radio, ton radio réveil se met en route sur la Swedish, tu dis, ah ben c'est une belle journée qui va commencer. Et pour le reste, eh ben, on va la gérer, cette belle journée. Bonjour tout le monde, vendredi aujourd'hui, c'est le 2 septembre, j'espère que vous allez bien. L'équipe de Bruno dans la radio, on arrive chez vous, puisqu'on est en train de parler de son. Qu'est-ce qu'on a pour le son, là, sur Fun? On a Snake. On va attaquer l'émission avec Snake et Bieber, Let Me Love You, le nouveau Martin Garrix. In the Name of Love, ça va arriver là dans moins d'un quart d'heure. Et puis dès maintenant, vous appelez le 3228. Il y a du cadeau à vous offrir, tout ou gagné, tout ou perdu. Ce sera avec vous à l'antenne, j'espère. En tout cas, vous allez repartir avec un overboard, avec votre PC portable Asus. Il y a une enceinte Bluetooth, il y a l'album de DJ Snake. Bah, ça se gagne maintenant à la famille 3228. Ou bien 02 85 10 000 pour nos amis belges. On arrive chez vous après les news. Fun Radio. Le son. Fla. Fun. Les infos, c'est Maxime. Maxime Poulawek. Poula, Poulawek. Poula, Poula, Poulawek. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tous calés. C'est lâché. J'ai l'impression qu'il y a deux versions. Ouais. Non, il y a une version, mec. C'est Maxime. Maxime Poulawek. Poula, Poulawek. Avec une version. Ouais, je croyais que le Poula, Poulawek arrivait plus tôt. Non. Mais quand on répète, je suis désolé, pendant les répètes, on ne l'avait pas fait comme ça. Quand j'attaque, je dis c'est Maxime. Maxime Poulawek. Voilà. Poula, Poulawek. Ah, c'est pas compliqué. On l'a pas rechangé là ? Mais non. Ah, non. Pourquoi t'avais fait quoi ? Non, parce que toi tu fais. Ouais. C'est Maxime. Maxime Poulawek. Maxime, tu redis voilà. Maxime, et c'est là où tu te plantes. Voilà, c'est ça. Et c'est là où tu merdes. Les ah, d'accord. C'est ça, tu vois le truc. C'est parce qu'en fait, y a, du coup, on dit que deux fois Maxime Poulawek dans voilà. Toute la chanson. Le vrai truc, c'est que quand je le lance, j'ai dit voilà, tout de suite sur Fun Radio, les infos. Ouais. C'est Maxime. Maxime Poulawek. Poula, Poulawek. Là, c'est Eliott. Poulawek. C'est Eliott qui s'est trompé là, du coup. Attention, pas d'erreur quand même. Est-ce qu'on a été lourd ou est-ce qu'il faut qu'on le refasse comme une dernière fois que c'est bien propre. Non, surtout d'accord. Qu'en plus, moi j'aimerais qu'on respecte les journalistes de Fun Radio. C'est important, il n'y a pas beaucoup de temps en plus pour exactement, les infos. Il n'a que deux minutes pour faire un flash. Ah oui, d'accord. Donc tout le temps qu'on prend à parler, eh ben, c'est des infos que lui a préparées parce que lui, il est là depuis 3h du matin. Ouais. Il arrive à la radio. Oui, c'est vrai en plus. Non, parce que faire un flash, c'est compliqué. C'est long. Il doit prendre les dépêches de l'agence France Presse. Ouais, il fait un résumé ou. Ouais, il les écrit, il fait un truc, tu vois, qui en deux minutes est condensé, concentré. Ouais. Et après, il les fait à l'antenne. Donc, nous, quand on parle, parce que là, ce moment où on est en train de parler, voilà, ça fait partie de ces deux minutes. C'est un manque de respect. D'accord. Donc, c'est un manque de respect par rapport à son travail. D'accord. Merci de nous l'expliquer. Oui, parce que c'est vrai, à quelle heure t'arrives à la radio, Maxime? À 4h30. Voilà, et il a que deux minutes et après, ça s'arrête. D'accord, parce que. Les infos, Maxime Poulawek, bonjour. Bonjour, Bruno. Bon, juste le temps de faire la météo. Du même soleil. Pas. Ah bah non, même pas. Non, ah, pardon. Fun Radio. Vendredi, c'est le 2 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 6h03, bonjour! Bonjour! Et bienvenue sur Fun Radio, je le sais, vous êtes en train de stresser, vous vous dites, mais c'est le premier vendredi de l'année de rentrée scolaire, est-ce qu'ils vont l'avoir, vont-ils le mettre? Oui. Oh putain, c'est vendredi! Ouais! Vous croyez pas qu'on va passer à côté de ça quand même. Surtout que ceux qui ont fait leur rentrée scolaire hier sont un peu en stress. Tu vois, grosse semaine, ils rentrent le jeudi, le vendredi, t'es en week-end. Ça va bien se passer. Au niveau de la pression, comment ça se passe? Vraiment, vous me dites. C'est Fun Radio, merci d'avoir choisi Fun une nouvelle fois. Merci de nous faire confiance pour votre réveil. DJ Snake qui arrive. Et toute l'équipe de Bruno dans la radio, voilà, qui va être là tous les matins, tous les jours, du lundi au vendredi. Chaque jour, été comme hiver, le printemps, l'automne vont passer par là. On sera là et elle sera là, c'est Christina. Bonjour à tous. Et il y a mon Vacher. Bonjour à tous. Je peux le faire aussi. Vacher, hier on a fait un petit live sur la page Facebook de l'émission. On fait souvent ça. Hein. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez venir nous rejoindre maintenant en page facebook.com/Bruno dans la radio. Les comptes officiels, les différents que vous avez sur Twitter, c'est Bruno Fun Radio. Sur Instagram, c'est Bruno Fun Radio. Sur Snapchat, c'est Bruno Fun Radio. C'est de la valeur ajoutée, on vous rajoute les coulisses de l'émission. Et justement hier sur le live vidéo, on a donné le snap perso de Vacher. Il a passé sa soirée d'hier à snapper en se disant « Putain, mais j'ai personne qui vient voir ». Et en fait, il n'avait pas donné la bonne adresse. Oh, le con. Et son compte était bloqué en plus. Voilà. Et donc à chaque fois, j'avais 7 vues. Et c'était que des gens de l'équipe. Et je me disais « Putain, fais chier, j'intéresse que les gens de l'équipe, ce qui est cool déjà, tu vois. Pourquoi ça bloque à 7 ?» Et après, j'ai débloqué et bam, je suis monté à 12. Ouais. C'est tellement un tug. On va le mettre sur la page Facebook, le compte Snap de Vacher. C'est chiant à dire à l'antenne. Il y a plusieurs E à Vacher. Ouais, c'est Vacher avec 4 E, ouais. Il est parti dans un délire. Ça va, mon Elliot? Oui, ça va. Je cherche partout une lime pour me limer les dents. Merci. Une autre les discussion. Dents? Parce que j'ai un bout de dent qui est tombé, et donc du coup, j'ai une dent qui frotte contre ma langue. Donc quand je parle, je zote un peu. Alors, ouais. C'est pour vous prévenir pour ce matin. D'avoir un dentiste, hein, c'est mieux. Hein. Ouais, j'y ai été hier, mais j'ai oublié de lui dire. D'accord. Génial. J'ai une équipe extraordinaire. Ouais, ouais. Vous ouais. savez quoi? Donc voilà, si je zote, c'est. Pas de ma faute. Le mieux, c'est d'attaquer tout de suite avec l'auditrice du jour. Elle a 23 ans. On part dans le département 84 ce matin, le Vaucluse, avec Mélanie. Applaudissements pour Mélanie. Oui. Salut Bruno, salut toute la famille. Coucou. Salut Mélanie. Tiens, je vois ton Twitter. Ouais. Mélanie _ 9. Est-ce que tu veux que toute l'équipe de Fun Radio te suive sur Twitter? Oh non. Ah, mais. Grave, carrément. Et ben, tu sais quoi, on va tous te follower maintenant. Je m'y engage. Oh, je file l'adresse, là, tout le monde te follow. Allez. Mélanie, tu fais quoi dans la vie à Cavaillon? Je travaille en boulangerie. Très bien. Donc, déjà au boulot ou pas encore? Ça fait une heure que j'y suis, ouais. Ouais, une heure, ouais, putain. Et c'est ouf. Moi, ce matin, tu vois, je suis arrivé en bécane à la radio et je suis passé devant chez un boulanger qui était déjà en train d'astiquer sa vitrine, installer les croissants, etc. J'ai failli m'arrêter pour vous en prendre. Et alors? Et je me suis dit non. D'accord. Oh, c'est pas très cool. Pas par radinerie, mais parce que voilà, c'est pas bon pour vous. Vous avez fait des excès cet été. Moi, voilà, je vous ramènerai des carottes, des haricots verts, mais pas de viennoiserie. Mélanie. Ouais. Tu sais que désormais, l'auditeur du jour, au-delà du fait que cette émission va t'appartenir jusqu'à 9h15 et que tu vas pouvoir intervenir quand tu veux, l'auditeur du jour a le droit de poser une question, celle qu'il veut, à un membre de l'équipe qui sera obligé de lui répondre. Donc, bah, j'ai envie de te dire, à qui veux-tu poser une question ce matin? C'est la question du jour. Alors, j'aimerais poser ma question à Vacher. Oui. Ah. Bonjour. Bonjour, enchantée. Je vous écoute pour votre question, Mélanie. Alors, je voulais savoir, vu que je regarde un peu le live vidéo, j'ai remarqué que tu avais de la nourriture avec toi. Ouais. Et je voulais savoir, en fait, qu'est-ce que c'est ton petit-déj que t'amènes avec toi, quoi, en gros. C'est une très bonne question. Alors, bon, le truc là qui est en sachet, là, qui ressemble un peu à de l'herbe, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment des médicaments, voilà, que j'achète au Canada, c'est légal là-bas. Non, en vrai, je bois juste un café ou un chocolat chaud et je mange des pains au chocolat industriel, par contre. J'adore ça. Oh. Les chocolatines qui sont dans le plastique, c'est quelle marque? C'est Peach. Ouais, c'est Peach qui fait ça. Ça, pour moi, c'est le truc indispensable. C'est quoi, toi, Mélanie? D'accord. C'est quoi ton petit-déj indispensable le matin? Ben, je déjeune pas le matin, j'ai pas le temps. Ah ouais, moi aussi, team déjeune pas. Ouais, c'est la meilleure team, celle-là. J'ai juste bien. Un café dans le ventre et c'est tout, voilà. Ouais, et après, si j'ai faim en pause, je mange un pain au chocolat, mais de ma boulangerie, donc du vrai pain au chocolat. Ouais. Pas du fait industriellement dans des sachets en plastique. Ah, voilà. Une chocolatine, tu veux dire, Mélanie? Oui, voilà, une chocolatine. Ouais. Il y a des trucs, il y a des trucs indispensables pour le petit déj. Des trucs dont on pourrait plus se passer. Moi, je sais que maintenant, je suis devenu un taliban de la Chris Prolls, moi. Ah ouais, c'est vrai que tu manges que ça, toi. Moi, il me faut des Chris Prolls. C'est pas les pires des talibans, ceux-là. On est bien. Moi, je sais que c'est ma banane. La banane de 9h, elle est indispensable pour moi. Ouais, mais là, on parle de trucs à manger. Par la bouche. C'est quoi, hey, sujet de réveil. Allez, tiens, sujet. C'est quoi le truc indispensable pour vous au petit-déj? C'est un vrai truc, ça. Une vraie enquête. 32-28, on fait de la radio ensemble et vous le dites avec le hashtag Bruno Fun Radio. C'est quoi, toi, tu disais, ouais, donc ton petit pain au chocolat et ton café. Mais c'est important. C'est Mélanie, ça. Partir avec quelque chose dans le ventre, c'est important. C'est toujours ce que m'a dit Clara Morgan. Oh. Non, mais ça va pas, non. Mélanie, je te fais des bisous, ma chérie. Oui, je suis désolé. Passe une belle journée. Merci, bisous à tous. Bisous. C'est passé à l'antenne, hein, ce que j'ai dit. Ouais. Je suis désolé. 32-28, c'est quoi le truc indispensable pour vous pour le petit-déj? Vous nous le dites, on va jouer. Et puis là, tout de suite, c'est Snake. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Take gold through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Sur Fun Radio, Let Me Love You, le nouveau Martin Garrix. Il arrive. Oh, j'ai envie de vous parler un truc, j'ai pas le droit. Bah si, maintenant que t'as, soit t'en as trop dit, soit pas assez. Ouais, mais c'est compliqué. C'est quoi? Bon, Martin Garrix, le nouveau, il va être sur une compile qui va sortir là, très très bientôt. D'accord. Une compile où vous verrez des visages que vous connaissez dessus parce qu'elle a été fabriquée par des gens qui font cette émission, mais je ne vous en dis pas plus. Oh. Voilà, voilà. Bah t'as tout dit. J'ai tout dit, mais sans le dire vraiment. Oui, c'est vrai. Tu vois, j'aurais pu dire, il y a une compile Bruno dans la radio de 3 CD qui va sortir bientôt, voilà, etc. Avec des exclus intérieurs, mais ça, je ne l'ai pas dit parce que j'ai pas le droit. Ah bon, d'accord, bon, voilà. Tu l'as voilà, pas donc dit. Donc là, ça va, bah oui, c'est pour ça. Vous écoutez Fun Radio, vendredi, c'est le 2 septembre. Merci d'ouvrir les yeux avec nous, là. Tout de suite, on joue. Gagné, tout ou perdu de ce matin pour jouer avec nous. Il a 20 ans, il habite à Coutras. Alors je sais pas si on dit le S ou pas en Gironde, on le dit pas, hein, d'accord. Non, non. Il habite à Coutras, donc il s'appelle Gabriel. Applaudissements pour Gabriel. Salut. Salut Gab, comment ça va mon pote? Ça va super et toi? Eh ben super bien, t'as fait quoi cet été en vacances? Je suis pas parti en vacances, j'étais en stage et là je suis en vacances pour 3 semaines depuis hier soir. D'accord, stage de quoi? Journalisme, en journalisme web. Donc t'as fait un stage où à Sud-Ouest, c'est ça le journal? Non, non, j'étais à Paris. J'ai fait un stage dans un site internet qui vient de se lancer. D'accord, ok. Eh ben écoute, Gabriel, félicitations. Tu veux faire quoi comme journalisme? Moi, j'aimerais me lancer en production télévisuelle après. Pas forcément okay. Journalisme, mais bifurquer un petit peu vers la télé. Tu parles bien en tout cas, hein, bifurquer, tout ça. Ah ouais. Il est 6h13 des du matin. Du lettre. Quand tu dis bifurquer à 6h13, et tu peux le mettre sur un CV, ça, Gabriel. Tu le mets sur ton CV que t'as placé le mot bifurquer un 2 septembre à 6h13 sur les ondes de Fun Radio. Et déjà, je peux te dire que t'as un pied dans un boulot, hein, vraiment. Ça sera mis en première ligne de mon CV. Et ben, je l'espère. Gabriel, mon pote, en arrivant sur Fun Radio, tu viens de gagner automatiquement, sans rien faire, un overboard. D'accord. Un overboard, oui. Ça vaut 400 boules. Donc, ouais. C'est déjà un beau cadeau. Je rajoute un PC portable de la marque Asus. Je rajoute la toute dernière enceinte JBL Pulse 2. D'accord. Et puis, l'album de Snake. On a écouté un extrait tout à l'heure. L'album tout complet de Snake sorti avec Fun Radio. Ces quatre cadeaux, ils sont à toi. Ta mission maintenant, c'est de garder ces cadeaux en répondant à quatre questions que je vais te poser. Pourquoi? Parce que chaque mauvaise réponse entraînera la perte d'un cadeau. Nous sommes d'accord? On est complètement d'accord. Eh bien, ça tombe bien, c'est parti pour la première question. Oui, Vaché. Je rappelle que quand Bruno te pose la question, il faut absolument y répondre. On ne peut pas bifurquer. Je les connais, les mecs comme toi, qui veulent tout le temps bifurquer à droite à gauche. Oui, je sais. Selon une étude scientifique canadienne, manger ses crottes de nez aurait des effets positifs sur la santé, notamment en renforçant le système immunitaire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bon, c'est un peu cracra, faut pas le faire, mais je pense quand même que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est le principe de l'antidote pour le poison. Par exemple, à l'époque romaine, on a un gars qui va être journaliste, on peut étaler un peu de culture. Oui, Bruno. Jules César, il mangeait au quotidien un petit peu d'amanite phalloïde, champignon mortel. Ouais. Pour le jour où on l'empoisonne, et bah, du coup, son corps s'est habitué. Et c'est vrai que les crottes de nez, plus il y a plein de merde à l'intérieur, à force d'en bouffer, tu vois, tu chopes moins les merdes. Mmh. Mmh. Mais c'est bon. Non. Mais faut arrêter avec ce tabou, en fait. Et bah, tu sais quoi, on a un sujet dans moins de 10 minutes sur les indispensables du petit-déj, tu reviendras à ce moment-là là-dessus. Pour l'instant, Gabriel, tu gardes tous tes cadeaux. Voici la deuxième question. Au Québec, voyons, on reste un peu dans le même coin géographiquement. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Au Québec, un spoiler se dit un divulgateur. Un spoiler, c'est quelqu'un qui te vend la fin d'une série, par exemple, alors que tu ne l'as pas regardé. C'est énervant, ça, tu vois. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est marrant, on a parlé de divulguer il y a deux minutes. Je sais que les Québécois, ils n'utilisent aucun mot anglais, donc je vais dire vrai. Oui, c'est vrai. C'est hallucinant qu'ils fassent ça. Un divulgateur. Mais même les séries comme Game of Thrones, tu crois que là-bas, ça s'appelle le jeu des trônes? Ah, mais ça peut, ouais. C'est que Dirty Dancing, ça s'appelle Danse lascive. Ah ouais. Alors, je vais divulguer la fin du jeu des trônes. Il y a Jean Neige qui a un problème. Un gros problème. Vous verrez. Bon. Tu gardes tous tes cadeaux, ça se passe pas mal. Super. C'est l'heure de la troisième question. Proxima du Centaure est l'étoile la plus éloignée du système solaire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je crois que c'est justement la plus proche du système solaire. On est tombé. Oh là, t'es une tête, toi. Ouais, on est tombé sur le premier de la classe, mec. Celle-là, je la connais. Ouais, mais je te vois bien assis en cours d'histoire géographie. Alors que Proxima, moi, je croyais que c'était une marque de supermarché, tu vois. Ouais, avec des gens qui appelaient de l'autre planète en disant on est très mal. Tu gardes tous tes cadeaux, mon pote. Attention, tout se joue sur la dernière question. À la pression. Les habitants du département de l'Ain sont appelés les aînés. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dirais que c'est faux. Et c'est tout gagné. Yeah. Bravo. Ah, c'est génial, merci beaucoup. Alors, il faut savoir que d'après le Conseil Général de l'Ain, s'ils en ont un là-bas, aucun mot existe pour désigner les habitants du département. Donc, on les appelle pas. Voilà. D'accord. De l'Ain, c'est des habitants de l'Ain. Les quatre cadeaux, ils restent chez toi. L'overboard, le PC portable, l'enceinte JBL et l'album de Snake. On va t'envoyer ça très très vite, mon Gab, du côté de Coutras. Eh ben, c'est super gentil. Merci beaucoup, Bruno. Eh ben, de rien. On t'embrasse, poteau. Passe une belle journée. Ouais, toi aussi. Vous aussi, toute l'équipe. Est-ce que vous avez un truc qui pour vous est indispensable au petit déjeuner? Eh bien, vous savez quoi? On en parle. Vous faites de la radio avec nous. Là, vous appelez maintenant le 3228. Mais pour l'instant, petite nouveauté. C'est notre poteau, Martine. Après Martine à la plage, Martine sort son nouveau single, Martin Garrix. Wake up, it's Martin Garrix with Bruno on Fun Radio. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy. Mouduge, mais il est bien. Mouduge, c'est une expression qui veut dire mou du genou. Hein. Ouais. Mais je l'aime bien, le nouveau Martin Garrix, là, sur Fun Radio. Dans quelques secondes, il y aura Jonas Blue. Et puis, je regarde vos messages qui arrivent, notamment sur la page facebook.com/Bruno dans la radio. Beaucoup de messages de kiff hein, depuis notre rentrée, ça fait plaisir. Beaucoup de gens qui disent, bah, ça fait plaisir de revenir sur Fun Radio et de voir que vous essayez d'évoluer, que vous faites pas tous les matins la même chose. Mais il y a des rendez-vous qu'on aimerait bien réavoir. Est-ce que vous allez refaire la Battle du Grenier? Beaucoup de gens qui demandent ça. Bah, vous savez quoi? Ouais. Ah! Battle du Grenier, qu'est-ce que c'est? On ressort dans l'équipe des titres que vous n'entendez quasiment plus sur Fun Radio. Et on décide de vous les passer. Ou plutôt, vous décidez, vous, si vous voulez les écouter ou pas. Et alors ça, on fait le vote exclusivement sur facebook.com/Bruno dans la radio. Deux titres. Un que je défends. Et un que défend quelqu'un de l'équipe. D'ailleurs, cette année, on le fera également avec des auditeurs. Ah, cool. Moi, ce matin, je vous ressors un titre. Il va falloir que je regarde l'année. À mon avis, c'est à quoi? Ça a 5 ans, 4-5 ans. LMFAO. Parce que c'est bien vendredi, ça. Ouais. 2012. Donc 2016, moi, 2012, Elliot, ça fait... Oula, il a bugué. 4 ans, 4 ans. Ouais. Champagne Shower. D'accord, ça c'est mon morceau. Vous voulez écouter Champagne Shower, donc vous allez sur la page Facebook de l'émission et vous likez. Vous n'avez pas à mettre un commentaire, juste vous faites un like sous Champagne Shower. Elliot, tu nous proposes quoi? Moi, je l'ai entendu en boîte cet été et j'ai plus que ça en tête depuis. C'est Reload. Ah putain, ouais. Sébastien Ingrosso. Ah ouais, surtout quand ça parle. Là, c'était tellement bon. Ah, tu sais quoi, je l'aime bien aussi. Ah oui, oui, ouais, même si, ouais, je l'aime bien celui-ci. Donc même si je perds, je serais content de l'écouter. Vous voulez écouter le Sébastien Ingrosso, c'est ça, hein. Eh ben, vous likez Sébastien Ingrosso sur la page Facebook de l'émission et on se dit qu'on écoutera l'un des deux avant 7h du matin. Vendu. Eh ben, c'est vendu. Allez, c'est Fun Radio, on fait de la radio ensemble. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Bruno dans la radio. Il a la classe. 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. C'est quoi un petit déj idéal pour vous? Le truc que vous ne pouvez pas ne pas avoir dans votre petit déjeuner. On a tous un truc, voilà, il le faut absolument pour un petit déj réussi. Bon alors, il y a Elliot qui disait qu'il était de la team non petit déj. Non petit déj. Ouais. Je vais pas faire ton daron, mais c'est vrai que le petit déjeuner, c'est de loin le repas le plus important de la journée. Et toi qui as des problèmes de poids, ouais. Normalement en fait ton gros repas de la journée, ça devrait être le petit déj. Après tu manges un peu beau au déjeuner et pas du tout le soir. Le truc, je crois, on dit, c'est qu'il faut petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre. Un pauvre, ouais. Je crois que c'est ça. Mais en même temps, regarde, moi, la seule fois où je déjeune, c'est dans les hôtels. Tu sais, quand il y a un buffet de kiff, on l'a tous eu au moins une fois dans la vie. Et mon gros délire, c'est de faire le sandwich donuts. Il y a des donuts souvent, donc tu l'ouvres en deux et dessus tu mets une tranche de jambon, du fromage et de la confiture de fraises. Et je vous jure, essayez-le chez vous. Mais c'est sucré, super les donuts. Bon. Ouais, mais c'est ça, c'est ça le kiff. Nelly, Nelly. Merci pour ça. Elle est en train de vomir, Nelly. Ah oui, oui, oui. Nelly, t'as appelé le 3228. Ça va, ma belle? Oui, ça va très bien. Ça fait plaisir de vous avoir, donc. Et ben nous aussi. Vous nous avez manqué. Et ben tu sais quoi, tu nous as manqué aussi. C'est quoi ton petit-déj? L'obligatoire pour ton petit-déj, c'est quoi, toi? Ben écoute, moi, l'obligatoire, c'est le thé avec des petites tartines de confiture, et voilà. Ah, c'est une confiture? T'es école, ouais. Confiture, quoi? Moi, je suis fraise, moi, team fraise. Écoute, moi, je suis un petit peu tout. Moi, j'aime tout, en fait. Toutes les confitures, ça me dérange pas, sauf si c'est truc à l'orange et me compagnie, là, non, ça me plaît pas. Mais sinon, après, non, j'aime bien toutes les confitures, bon, moi, j'aime bien ça. Tartine de confiture, c'est noté. T'as déjà pris le petit-déj? À quelle heure tu le prends, toi? Écoute, là, je vais le prendre dans pas longtemps. Je suis en train de le préparer, là, justement. Bon, bah, bon petit-déj. Merci. Bisous, ma chérie. Bisous, bisous. Bisous. Ouais, sur la page Facebook, il y a Christophe Hardy qui dit: le truc indispensable pour moi, c'est mon petit chocolat avec mon pain Nutella et surtout qu'on ne me parle pas. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui supportent pas, ouais, qu'on leur parle. Ouais, ta gueule d'ailleurs. Il y a Geek du 834 qui dit: moi, il me faut obligatoirement des céréales, n'importe lesquelles, mais des céréales. Ouais. Céréales et lait, hein, je précise, parce que Elliot, dans cette équipe, mais... quand il bouffe des céréales le matin, il les mélange avec du jus d'orange. C'est trop bon. Mais ça, je peux comprendre, c'est normal. Mais quand Elliot, il parlait par exemple des hôtels, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber dans un truc où il y a un hôtel international, tu sais, où il y a des gens de tous les pays, genre quand tu vas à Disney. Pourquoi est-ce que les Allemands, par exemple, ils bouffent des trucs salés? C'est dégueulasse, genre le bacon, les œufs, les haricots. Ouais, ah, c'est dégueulasse, il est 8h, t'as envie que ça sente le Nutella, quoi. Non, petit déjeuner anglais, j'aime bien. Bah tiens, en parlant de trucs salés, Cédric à Marseille. Salut Cédric. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Toi, et team salé, toi, le matin? Ah ouais, team salé à fond. Fromage, jambon, après café, jus d'orge. Non, fromage dès le matin. Ah ouais, c'est ça. Ah, puis alors, laine, café, fromage. Cédric. Ah, je me prends les dents quand même après. Hein. Moi, comme toi, moi. C'est-à-dire que quand je suis dans un hôtel et qu'il y a des œufs brouillés avec de la saucisse, des trucs comme ça, ouais, je te cache pas que bon, ça me fait. Ah, la saucisse du matin, c'est pas possible. Non, mais une fois de plus, on parle pas de la même saucisse, Christina. T'es pas concentré sur ce qu'on dit, hein, c'est incroyable. On parle de petit-déj. On t'embrasse, Cédric. 6h27. Ah, ça me dégoûte. Bah, si vous êtes en train de le prendre, votre petit déjeuner, merci de le faire avec Fun Radio. Peut-être avec funradio.fr pour le streaming vidéo. On vous fait un petit coucou, la famille. Merci d'être là, le chiffre du jour qui va arriver. Et pour vous tirer du lit, peut-être Jonas Blue, Perfect Stranger sur Fun Radio. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. You're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Me feeling this way. There's so much we can't explain. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize. Hier, c'était la rentrée. Et alors, sachez que lorsqu'on va à l'école, au collège ou au lycée, hein, il nous arrive en moyenne 6 fois quelque chose durant l'année. Voilà, vous avez commencé hier, et ben jusqu'à la fin de l'année scolaire, jusqu'à fin juin, il va vous arriver 6 fois un truc. Moi, je pense que c'était séché le deuxième jour déjà. Ah bah ouais. Peut-être que c'est ça. Je sais pas. Vous faites vos propositions 32-28. On va refiler ce matin, tiens, des agendas Fun Radio, vu que c'est le début de l'année scolaire. Si vous avez la bonne réponse, d'après vous, voilà, qu'est-ce que vous allez avoir 6 fois cette année? 32-28 pour faire de la radio ensemble. Ken Jones. She said, hola, comment ça? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bon... Ça va arriver là sur Fun Radio, Don't Mind, juste après les news. Fun Radio, le son dance floor. Maxime Poulaouec pour les infos. Allez, on te les laisse. Ah, merci. Cette fois, on commence avec la météo. Bonjour, mon pote. Bonjour à tous. Le soleil brillera aujourd'hui sur l'ensemble de la France avec un bémol quand même. Le retour de quelques nuages accompagnés à d'averses ce soir le long des côtes de la Manche. Comptez 13 à 17 degrés ce matin. Dans l'après-midi, le thermomètre continuera de grimper. On aura 17 à Cherbourg, 22 à Lille, 29 à Paris et Tours, 31 à Bordeaux et Lyon, 35 à Nîmes. 53 jours après la finale perdue de l'Euro, l'équipe de France de football a renoué avec la victoire hier soir. Les Bleus se sont imposés 3-1 contre l'Italie lors d'un match amical. But de Martial, Giroud et Kurzawa. Une prochaine étape mardi prochain en Biélorussie pour le premier match des qualifications au Mondial 2018. Et voilà, la rentrée est maintenant derrière nous. 12 millions d'élèves ont retrouvé les bancs de l'école. Hier, François Hollande avait fait le déplacement pour l'occasion à Orléans. Le président de la République, en pleine polémique sur le collège, se fixe désormais la réforme du lycée comme objectif. Il a aussi défendu calmement son bilan en termes d'éducation. Bernard Cazeneuve arrive dans la jungle de Calais. Le ministre de l'Intérieur se rend aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Hier, il a annoncé que le démantèlement du camp installé en printemps 2015 allait se faire étape par étape. Selon lui, il y a près de 7000 migrants sur site, 9000 pour les associations. À Bordeaux, ville préférée des Français. Selon une étude révélée cette semaine, 38% des Français aimeraient travailler dans la capitale girondine. Nantes et Toulouse complètent le podium alors que Paris n'est que 7e. Quant à Marseille, pourtant la 2e ville de France, elle ne se classe qu'en 19e position. Calvin Harris, David Guetta ou encore DJ Snake, les Fun Radio DJ Awards récompenseront au mois d'octobre à Amsterdam les meilleurs DJ de la planète dans 6 catégories. Vous pouvez dès à présent voter sur le site www.partyfun.fr. Les votes pour cette 4e édition sont ouverts jusqu'au 10 octobre. Voilà, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio jusqu'à 9h. Bon réveil. Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son dance floor. Bonjour la famille, 6h32. On a ce matin un battle du grenier. Battle du grenier, 2 titres que vous entendez plus sur Fun Radio, plus trop en tout cas, qu'on décide de remettre au goût du jour. Moi ce matin, j'aimerais bien vous passer LMFAO avec Natalia Kills. Champagne Showers. Ça avait 4 ans, ça faisait ça. Champagne Showers. Vous voulez l'écouter, je vous le passe avant 7h du matin, mais c'est vous qui votez, vous voyez, à l'ancienne. Vous le faites via Facebook. Facebook.com/Bruno dans la radio. Ça, c'est mon choix. Vous cliquez LMFAO ou bien... Le choix d'Eliott. Reload, Sébastien Ingrosso. Je crois qu'il va falloir que je profite de l'extrait, hein, parce que tu es en tête, Bruno. Je l'aime bien. Alors, tu sais quoi, autant des fois, vraiment, je défends mon truc parce que j'ai vraiment envie d'écouter mon truc. Tu défends ton bout de gras. Le Sébastien Ingrosso, je l'aime beaucoup aussi. Il est bien. Hier, on a eu Quentin, 7h moins le quart. Vous vous souvenez, Quentin, il était stressé, nouveau lycée. Enfin, il est rentré en CAP de mémoire. Oui. CAP, nouvel établissement scolaire. Il était en flip de putain, est-ce que je vais sympathiser avec des gars ou pas. On lui avait donné 2-3 plans pour essayer tout de suite, tu vois, de se noyer dans la foule, essayer de faire en sorte que le premier jour se passe bien. Est-ce qu'il a suivi nos conseils? Est-ce que ça s'est bien passé? On va rappeler Quentin là dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Mais pour l'instant, chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. Là, justement, pour ceux qui sont rentrés hier, alors, rapport avec le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 6. Il va vous arriver en moyenne 6 fois quelque chose durant cette année. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Collège, lycée, ça marche, hein, vraiment. Et tu sais quoi? Je crois qu'on peut aller sur la fac aussi. Ça peut marcher aussi sur la fac. Est-ce que vous avez une idée, Christina? Je pense qu'on va aller au tableau 6 fois par jour. Oh, ouais, aller au tableau. Je supportais pas ça. Pas par jour, sur l'année. Par an. 6 fois par jour, c'était Valérie Jouinot qui est au tableau, moi, quand j'étais en 6ème. Ouais, c'était la bonne élève de la classe. Valérie Jouinot, elle est tout le temps allée au tableau. Tout le temps. Alors, moi, j'avais un prof de physique chimie qui était teubé parce qu'il avait un bureau qui était penché et à chaque fois, il prenait son stylo en l'air, il le faisait tomber. Et genre, il disait là où ça tombe sur la liste, bah, ça sera l'élève. Sauf que vu que son bureau était penché, ça tombait toujours sur le dernier élève. Et le dernier, c'était Vaché. Ce connard, à chaque fois, jamais il se disait tiens, peut-être que mon bureau est penché. Bah non. 6 fois dans l'année, il va vous arriver quelque chose. Stéphane, 15 ans, à Belfort. Salut, Steph. Salut Bruno, salut famille, ça va? Ça va mon pote, comment ça s'est passé la rentrée hier? Ah ben moi c'est aujourd'hui. Ah fort, alors tu rentres en quelle classe? Je rentre en 3ème. Ça va, pas trop stressé? Non, t'as l'air détendu. T'as 46 ans? Oh non, ça va. Mais non, il a 15 ans. Il a une voix comme ça. En 3ème, j'ai deux gosses là qui sont d'ailleurs en seconde, ils ont de la chance. Stéphane, d'après toi, qu'est-ce qui va t'arriver 6 fois en moyenne cette année? Donc moi je pense qu'on oublie 6 fois notre sac quand on va en cours pendant l'année. À oublier ton sac en cours. Ah, carrément, c'est là que tu fais vraiment pas gaffe, ouais, pour le coup. Ouais, c'est clair. Ouais, mais ça m'arrive souvent, moi. Ah ouais? Et Steph, mais tu dois te faire défoncer par les profs. Ah ouais? Non, mais de l'oublier chez toi quand on va en cours, en fait. Bah oui. Mais c'est pire. Bah oui. Mec, mais n'importe quoi. Mais oublier ton sac quand tu vas en cours, ouais, c'est comme si t'arrivais au travail en disant merde, j'ai oublié de m'habiller. Ouais, bah. C'est comme si t'étais chirurgien au moment de l'opération. Non, putain, ça y est, j'ai oublié les scalpels. Écoute, je vais ouvrir avec les dents, c'est pas grave. Bon, Stéphane, c'est pas la réponse que j'attendais. On va quand même t'offrir l'agenda Fun Radio, d'accord? Ah ben merci, ça fait plaisir. Comme ça, tu pourras l'oublier chez toi. C'est voilà. Ça. On t'embrasse. Oui, Elliot. Est-ce que ça serait pas avoir des poux 6 fois? Non, ça c'est quand t'es petit, je pense. Mais ah ouais, pas après, ouais. Moi, j'ai déjà transmis des poux en c'était en 6ème. On a tous eu, mais c'est horrible. Mais je crois que de toute façon, le départ des poux en France, c'est Elliot. Ouais. On va pas se mentir. Ça, c'est Pouland. Sa tête, c'est Pouland. Son confort dans mes cheveux. C'est les poux alors. Quand ils vont sur Pouadviseur, qui est le site tu vois, pour les poux. Pour partir en vacances. Il y a 5 étoiles sur la tête d'Elliot. Bien sûr. Et même dans Airpoo and Poo. Ouais. Tu sais, sur les échanges de têtes, des poux qui sont sur la tête d'un Américain, ouais, qui viennent en France, ils regardent et sur Elliot, ouais, il a, ouais, des notes de ouf. Moi, je suis en relation en permanence avec Pooking. Pooking.com. Bien sûr. Super. Pooking.yeah. Bon, l'auditrice du jour, c'est Mélanie. Vous savez, c'est celle qui a attaqué l'émission tout à l'heure à 6h. Et quand on est auditrice ou auditeur du jour, on a la ligne directe avec le studio. Donc là, bah, du coup, elle a rappelé. Mel à Cavaillon. D'après toi, c'est quoi? Est-ce qui va nous arriver 6 fois en moyenne à l'école, au lycée? Moi, je dirais arriver en retard. Ah oui, bah, oui. Bah, bien plus, sûr. C'est plus. Ouais. C'est plus. Ouais, je pense que c'est plus. Ouais. Moi, j'étais en retard à fond de cale. Moi, ah, j'ai dû enterrer, entre la 3ème et, ouais, la terminale. J'ai dû enterrer à peu près 15 fois ma grand-mère. Oh. Je pense. C'est horrible, ça. C'était quoi, toi, Mélanie? T'avais une excuse pour les retards? J'étais malade. Ouais, ouais. Et moi, j'avais la crise d'asthme aussi. Et tu sais, comme j'étais asthmatique vraiment, mais pas trop, mais un peu quand même, quand j'arrivais dans le bureau du CPE, je me mettais un coup de Ventoline, c'est l'inhalateur, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Je suis désolé, j'ai eu une crise d'asthme et le mec, ça passait, mais alors à chaque fois. Bah oui, bien sûr. Mélanie, je te fais des bisous. Je t'offre aussi l'agenda Fun Radio, d'accord? C'est gentil, merci. Et bah de rien, je t'embrasse. Bon, 6.

Bon, bah écoute, passe une belle année scolaire, mon Quentin. On te sent rassuré. Pas réveillé, ouais. Mais rassuré. Ok. On t'embrasse, t'attaques les cours à quelle heure? 8h10. 8h10, très bien. Bah, t'es content qu'on t'ait rappelé ce matin pour refaire de la radio avec nous. Autant hier, il avait appelé de lui-même qu'on l'ait rappelé ce matin. Tu vois, tu sens qu'il est un peu. Hein, ça pique. Et si je lui donnais le nom de ses parents, je suis même pas sûr qu'il me l'ait donné non plus. Vraiment. Bah, dans moins d'un quart d'heure, on va voir le résultat de la battle du grenier de ce matin. Vous voulez écouter Champagne Shower de LMFAO? Vous votez sur la page facebook.com/Bruno dans la radio, c'est mon choix. Ou alors celui de Lyotte. Sébastien Ingrosso, Reload. Il y a un des deux morceaux là qu'on va écouter avant 7h. Vous vous réveillez avec Fun Radio, c'est vendredi. Bienvenue la famille. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro. C'est Fun Radio. Kungs. Martin Solveig. Lion. Ugel. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Ça veut dire quoi être cool pour Darty? Être cool, c'est être détendu après ses vacances, c'est vivre la rentrée avec l'esprit tranquille, c'est voir l'horizon sans nuages, les prairies avec des licornes, un smartphone à prix cool, bref, c'est être cool quoi. La rentrée est cool chez Darty. Profitez de nos meilleures offres. Par exemple, l'iPhone 5S 16Go, argent ou gris sidéral, est à 349€. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, sur iPhone. Fun Radio. She said, hola, comment ça, ça? She said, konnichiwa, quoi? She said, bordé, my French friend. I said, bonjour, madame. Then she said, ça va, c'est. And I said, na boule, play. No matter where I go, go. Merci, Fun, je danse cool sans vous baiser. Baby, we don't need no reason why. Fun Radio. Le son dance floor. Thank you. vous réveille. Wow, c'est trop bien. On assure. 6h-9h sur Fun Radio. On est là tous les jours sur Fun Radio avec le son de Fun. Cachemire, ça va arriver dans la demi-heure. Wildcard, 7h10, on va payer de la facture ici en direct. Et puis, le nouveau Major Lazer qui s'annonce également dans la demi-heure. Cold Water. Merci d'être là, merci de rejoindre Fun Radio. Vous êtes peut-être nouveau, vous tentez Fun là cette semaine. Eh bien, merci d'être ici. Nous sommes notre nouvelle famille désormais avec Elliot, avec Vacher. Bonjour. Avec Christina. Oui. On sera là tous les jours, au taquet. Et si vous n'êtes pas en forme, nous serons en forme quoi qu'il arrive. On s'y engage. Et comme chaque matin, à 7h, il y aura le Vacher Time. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. C'est une mamie qui sera ma victime aujourd'hui. J'ai fait un petit blind test. Voilà, j'ai appelé une mamie au hasard, je fais écouter des extraits musicaux et je lui demande qui chante. Mais à chaque fois, j'ai des propositions un peu débiles et elle, elle s'en rend pas compte. Petit extrait. Qui chante ? Jean-Jacques Goldman ou Francis Cabrel ? À vous de me le dire. You can't touch this. Ça me dit que Cabrel. Ouais, bien sûr. Là, c'est une bonne réponse. Par c'est son plus gros succès, en plus, à Francis Cabrel. Les amis, je suis tombé sur une enquête. Voilà, le week-end arrive et ça tombe bien. Puisque j'ai le jour et l'heure idéal pour faire des câlins. Ah, dis-nous tout. Est-ce que déjà, dans l'équipe, vous avez un jour ou une heure idéale pour faire des câlins? Mais quand on peut. Ouais. Exactement. Bon, plutôt le week-end, parce que t'es reposé, t'es plus en forme. Alors justement, c'est le week-end. Il faut savoir que la période creuse pour faire des câlins dans une semaine se situe entre le lundi et le jeudi. Entre le lundi et le jeudi, on n'est pas au top. D'accord. Par contre, on est bien le week-end. Et alors, il y a une étude qui a été faite, un sondage auprès de garçons et auprès de filles, hein, plus de 5000. Donc du coup, ça donne une étude assez sérieuse. L'idéal, c'est le samedi, d'accord, à 23h, pendant 23 minutes. Ouais. Okay. 23 minutes, c'est long. Hein. D'accord, ouais, qu'est-ce qu'il y a à la télé le samedi à 23h? C'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais. C'est là, et c'est Ruquier, non? Ton couple est en train de se barrer en couille quand tu te dis merde, alors c'est quoi ce qu'il y a le samedi? C'est Ruquier, ouais. Et puis en plus, vendredi, pour rien vous cacher, on a l'anniversaire de d'Anso du Night Show. Ouais, ce soir, ouais. Alors moi, je peux te dire qu'à 21h samedi, je serai en train de décuver et de dormir. c'est tant pis pour moi, hein. Moi, c'est rideau. Ouais, sinon, il faut faire comme Anso, hein. J'en parlais avec elle. Anso du Night Show, le soir, son jour et son heure idéal pour faire l'amour, c'est tous les jours à 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h. Et elle me dit, ça marche bien. Dans facebook.com/Bruno dans la radio, Meryl, Nicolas, du web, jetez un coup d'œil. On arrête les votes là pour le Battle du Grenier. On reprend le Battle du Grenier pour une nouvelle saison. L'occasion pour vous de réécouter des titres qu'on n'entend plus trop souvent sur Fun Radio. Et c'est dommage parce que c'était bien ça. C'est le morceau que j'ai choisi. Natalia Kills et LMFAO, Champagne Showers. C'était il y a 4 ans, c'est-à-dire que c'était en 2012. Champagne Shower, souvenez-vous. Champagne Showers, Champagne Showers. Ça, c'était mon choix. Vacher voulait pas participer ce matin, donc c'est Elliot qui a pris la main. Tout à fait. Elliot a choisi un des gars de la Swedish. Oui, Sébastien Ingrosso avec Reload. Moi, je l'aime bien aussi, celui-ci. Bah oui, il est bon. Moi, honnêtement, je l'aime bien. Mais le problème, c'est que c'est l'auditeur qui choisit, c'est l'auditeur qui vote. Est-ce que, sans me donner le résultat, Nicolas, il y a eu beaucoup de votes Twitter et Facebook avant 7h du matin? Oui, c'est pas mal du tout, on va dire. C'est-à-dire, on est à quoi? On est à plus de 2000? On est à plus de 1400 avec les votes de Twitter. D'accord. Oh oui, c'est un petit vote de début de semaine. Alors. Oui, voilà. Enfin, de début de saison. Quoi. Ouais, trop bien. Bon, alors, vous avez voté. Et ce matin, grâce à vous, nous repartons en 2012. Nom de Zeus. C'est un peu moi qui ai gagné. Je pourrais le chanter tellement je suis content. Ça fait plaisir. J'ai gagné. J'ai gagné. Quel bel organe. Oui, je sais. Je vous remercie. C'est Fun. walk in the club with a bottle or two. Shake it, spray it on a body or two. Then walk out the party with a body or two. Oh, I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide cause we spraying it. 56 bottles ain't paid for shit. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. Et on a bien pété les plombs dans le studio. Ah, ça fait trop du bien. Il fait plaisir celui-ci. Natalia Kill, c'est les MFAO. C'était le premier vainqueur Battle de Grenier de cette nouvelle saison. Le JPI sur Fun Radio. C'est l'heure du JPI, c'est le journal pas en image, le faux journal de l'émission, c'est la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et aujourd'hui, nous fêtons les Ingrid. Hommage. Ingrid, est-ce que tu baises? Et pour commencer, télévision, voici l'info dont on se fout le plus au monde. Damien est sorti de Secret Story. Société, les hommes ne seraient pas matures avant l'âge de 43 ans. N'importe quoi, la tienne avant la mienne. Oh, arrêtez, Mika. Il n'y a pas d'arrêt dans le beefsteak. Oh, vous êtes lourd. Miroir, miroir. Mais vous avez quel âge, Mika? 32 ans. Ouais, tout s'explique. Les athlètes paralympiques français sont prêts à partir pour le Brésil. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony? Oui, mais on est coincé à l'aéroport, là. Ah mince, mais pourquoi? Bah, c'est compliqué de vérifier les empreintes digitales d'athlètes qui n'ont plus de bras. Ça prend du temps. Ah, vous êtes vraiment ignoble. Dans une heure pour un nouveau reportage. Il ose tout cette année, Anthony. Et pour finir, si vous aimez le Kama Sutra et les mouillettes, faites un 69 à la coque. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Une des grosses nouveautés de cette année, c'est quoi? C'est dans la famille Bruno dans la radio. On va voir un nouveau petit bébé. Eh oui, on a le bébé vaché qui va arriver là, mi-octobre. Ça commence à bien le stresser. Ouais. Et mal, ouais. On essaye de trouver le prénom de l'enfant de vaché. Il ne veut pas nous le donner, mais il nous a dit que c'était un prénom à consonance et brésilienne et française. Bah, il existe dans les deux pays, en tout cas. Voilà. Quand on parle de ce bébé, il faut lui donner un prénom. Vous savez quoi ? Entre 7h et 8h, avec vous, auditeurs de Fun Radio, on va essayer de nommer le bébé de Vacher. On va lui trouver un nom. Et après, tant pis, il l'aura. D'accord. S'il s'appelle Jean-Claudio, on l'appellera Jean-Claudio. Il n'y a pas de problème, c'est qu'un bébé. Il n'y a pas de... Cashmere Wildcard, ça arrive. Et le Vacher Time, là, justement, après les news. Fun Radio présente Linox Park sur l'île des impressionnistes de Chatou. Hey, demain, à partir de 16h, Fun Radio vous fait vivre l'événement en direct avec JB, Mika, Adrien Thomas et Miko C. Retrouvez les interviews et les mix des plus grands DJ de la planète avec Nervo, Don Diablo, WNW, Hi, it's Chucky, Tujamo. Salut les Space Invaders, c'est Joachim Garraud et beaucoup d'autres. Linox Park. En direct de l'île des impressionnistes de Chatou. C'est exclusivement avec Fun Radio. Prêt pour le grand voyage ? Laissons Dance Floor. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager. Mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois. Enfin une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement, un forfait Power Family et un Starter Mini 100 mégas. Prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur sfr.fr. Du cidre. En 500 et des Caïmans, le roi Arthur dégustait du cidre lors d'une croisière sur le Nil. Il tomba nez à nez avec Cléopâtre. Aïe ! Elle avait le profil à boire du cidre. Arthur lui en proposa. Choisis ton préféré. Doux, brut, rosé, à la framboise ? Celui-ci. Quel bouquet ce cidre à la pêche ? Vous avez du nez, Cléopâtre. Non, je dis ça au pif. Oh. Bref, depuis ce jour, le cidre à l'apéro, quelle fraîche idée ! Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bougez pas, Bruno. Merci d'écouter Fun Radio, la famille. On est là tous les jours. Là, c'est Bruno dans la radio. On va revenir avec toute l'équipe. Il y aura la chanson du jour. Solène, ce matin, elle a 11 ans. Elle veut qu'on appelle sa mère parce qu'elle voudrait aller à la Paris Games Week. Tout à fait. On va lui gérer le dossier dans moins d'une demi-heure sur Fun Radio. Fun Radio. Le son. Flair. Mais pour l'instant, le point sur l'actu de ce vendredi 2 septembre. Comment ça se passe aujourd'hui pour l'info ? C'est Maxime Poulaouec qui vous le dit. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous, bienvenue sur Fun. On commence par la météo, un temps plutôt ensoleillé sur le pays aujourd'hui. En revanche, le ciel aura tendance à s'ennuager vers la Manche, entre la Bretagne et la Normandie, avec même de la pluie en soirée. Il fait 13 à 17 degrés ce matin. Dans l'après-midi, ça va monter. Prévoyez 17 à Cherbourg, 24 à Biarritz, 27 à Reims, 29 à Paris, 30 à Limoges, 31 pour Lyon et 35 à Nîmes. Une victoire pour se relancer. L'équipe de France de foot s'est imposée hier soir en amical contre l'Italie. 3-1, de quoi renouer avec le succès après la finale perdue à l'Euro au mois de juillet. Les choses sérieuses commenceront mardi en Biélorussie pour le premier match des qualifications au Mondial 2018. Après le collège, le lycée François Hollande en visite à Orléans hier à l'occasion de la rentrée scolaire a annoncé une prochaine réforme du lycée malgré les polémiques sur celle du collège. Et surtout à 8 mois de la présidentielle, les détails n'ont pas été communiqués. Bernard Cazeneuve en déplacement, lui, dans les Hauts-de-France. Le ministre de l'Intérieur se rend aujourd'hui à Calais pour rencontrer la maire de la commune. Hier soir, il a déclaré que le démantèlement de la jungle allait se poursuivre avec détermination, mais étape par étape, entre 7 et 9 000 migrants vivent sur le site. Les femmes deviennent-elles des cougars ? Selon une étude de l'INSEE révélée hier, les couples où l'homme est plus jeune que la femme se multiplient. La proportion était de 10% dans les années 60, elle est de 16% pour les années 2000. Et ce sont surtout les quadras qui sont touchés par ce nouveau phénomène. À 43 ans, 15% des femmes ont un conjoint plus jeune. Les Fun Radio DJ Awards, c'est la cérémonie qui récompensera pour la quatrième fois les meilleurs DJ de la planète à Amsterdam au mois d'octobre. Depuis ce matin, vous pouvez voter pour votre DJ préféré dans 6 catégories. Rendez-vous sur partyfun.fr. 7h03, c'est Bruno dans la radio jusqu'à 9h sur Fun Radio. Vendredi. mardi aujourd'hui, c'est le 2 septembre. Vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux, vous ouvrez aussi les oreilles, tous en même temps. Vous écoutez Fun Radio, 7h04, bonjour. Bonjour. Oh putain, c'est vendredi. C'est vendredi, mettez-vous en état d'esprit du vendredi, mettez des fringues du vendredi, mettez-vous en kiff de vendredi, mettez votre cerveau en position vendredi, voilà, et le vendredi, votre cerveau il a envie de bouger, c'est tout, il a envie de remuer votre boule, on a le son pour ça, Cachemire arrive sur Fun Radio. Et Major Lazer, Justin Bieber, Cold Water, c'est ce qui va arriver là dans la demi-heure. Dans moins de 10 minutes, je vais payer de la facture. Vous avez fait des excès cet été. Vous avez payé des vacances. Et là, ça commence à tirer sur le porte-monnaie. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu la paye hier, il n'y a déjà plus rien sur le compte. Bon, bah, envoyez-moi vos factures, les copains. On est là pour payer vos factures tous les jours. Facture@funradio.fr. Il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour à tous. Il y a Vacher. Bonjour. Y a Elliot. Bonjour. Vacher, je voudrais que nous revenions vers toi, puisque Vacher, tout le monde le sait. Et si vous ne le savez pas, je vous le dis, Vacher est marié depuis maintenant deux ans. Ouais, un an et demi. Ouais, ça va faire deux ans. Ouais. Je ne sais plus, je n'ai pas noté la date non plus. Vous le savez, si vous êtes fidèle auditeur de Fun Radio, si vous n'êtes pas fidèle, eh bien on va vous le dire. Il est marié et nous avions vécu ce mariage en direct à l'antenne, puisque ici, si les gens disent la famille Fun Radio, c'est qu'on vous fait partager tous nos trucs perso. Et donc, on était en direct du mariage de Vacher avec Mariana, qui est donc d'origine brésilienne. Mariana est désormais enceinte. Et alors ? On a un petit problème. On a un petit problème. C'est que on est partagé entre le Brésil et la France. On est partagé entre les deux, monsieur. Vacher, depuis le jour où il nous a annoncé qu'il allait être papa, on a pleuré comme des cons. Hein. Moi, j'avais les larmes aux yeux quand il me l'a dit. C'est vrai qu'on est rendu à un stade de proximité dans l'équipe que maintenant j'ai l'impression que c'est mon frère ou ma sœur qui m'annonce des trucs. Je te jure. Quand Elliot m'a dit qu'il partait de chez sa mère pour prendre son appart tout seul, c'est pareil, ça m'a ému. Je me suis dit, mais comment il va se débrouiller tout seul ? Moi, je pleurais pour Vacher, c'était surtout pour lui, quoi, parce qu'il va perdre sa vie de célibataire, qui allait boire des coups dans les bars et qui kiffait sa vie, quoi. Mais il a autre chose à faire. Voilà, j'ai par exemple choisi une poussette cet été, j'ai passé 2 mois sur les forums pour savoir laquelle était la plus adaptée à la ville, c'était très agréable. Super. Alors, Vacher nous a dit, parce que du coup, c'est un garçon. Ouais, je crois. Ça, on l'a dit, non, mais tu l'avais ça dit. Ça n'a pas changé. Bah, je sais pas, la troisième écho, ils ont pas regardé son la zizounette, mais je pense que c'est un garçon, ouais, normalement. Et donc, il nous a dit, voilà, on a un prénom qui est à la fois français et brésilien, ça marche dans les deux sens. C'est ça. Et vieux, il a dit. Et vieux, ouais. Et vieux. Alors, vous savez quoi ? Auditeur de Fun Radio. Super combo. Auditeur de Fun Radio, nous avons besoin de vous. Avec le hashtag Bruno Fun Radio, ou vous appelez le standard. Et nous avons besoin de vous pour prénommer cet enfant. Puisqu'à un moment, il va falloir, vu que ça arrive là, d'ici un mois et demi, quand on parlera de lui, il va falloir lui donner un nom. Donc alors nous, dans les clips, on a commencé à réfléchir. C'est-à-dire qu'on est parti sur des prénoms où il y avait des trucs composés. Par exemple, Jean-Christophe, mais mélangé avec le Brésilien et, et le Français, Jean-Christopho. Exactement, sinon Juan Claude ou Jean-Claudio, voilà. Ça marche dans les deux sens. Ou Juan Christophe. Ouais. Après, Juan, c'est plus espagnol que... Enfin, sans vouloir vous gâcher le délire. J'ai peut-être la bonne idée, c'est un prénom simple, c'est Oscaro. Vu que Vacher travaille à la radio, il entend oscaro.com la pub tout le temps. Ouais, c'est et vrai. Ça fait un peu français et brésilien. Et ça me vieux. Fera penser à mon fils quand j'oublierai d'aller le chercher à la crèche. Quand j'entendrai oscaro.com. Merde ! En avril, j'avais déposé à la crèche. Et, ben, et là, chez vous, vous trouvez des bons prénoms. Et Vacher a même dit Jean Gustavo, lui, sur, sur Twitter. Jean Gustavo, ça me fait rire. Il y a déjà des propositions qui arrivent. Il y a Mélili qui propose Thiago. Bon, alors ça, c'est plutôt bien. Récent. Il y a Jiben Lapopi qui dit Jean Raimondinho. Oh, Jean Raimondinho. Ouais, c'est pas mal. Mettez bien le hashtag Bruno Fun Radio pour qu'on puisse vous retrouver en revanche. Il faut mais vous pouvez les inventer. Un mélange prénom brésilien-français. francilien, en fait. Voilà, ça vient de là. Allez, Vacher Time. Bruno. Vacher Time. Bonjour. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Petit blind test aujourd'hui, j'ai appelé une vieille personne, une mamie, voilà, qui a l'air fort sympathique, hein, je l'embrasse si elle s'écoute, à qui j'ai posé des questions sur la musique. Et vous allez voir, elle n'est pas super super calée. Allô ? Oui, bonjour madame, monsieur Vacher, je fais des petits blind tests par téléphone. Oui. C'est des petites questions qui tournent autour de la musique, je voulais savoir si vous vouliez participer. Avec plaisir. Alors, pour commencer, qui chante ? Jean-Jacques Goldman ou Francis Cabrel ? À vous de me le dire. Can't touch this. Oh, ça me dit que Cabrel. C'est totalement Cabrel. Est-ce que vous comprenez ce qu'il chante là quand il dit Can't touch this? Ah ben, catéchisme. Exactement. Ben, essayez de le chanter sur la chanson, ça va être sympa. Catéchisme. Magnifique. Je vais vous faire écouter un duo maintenant. Vous allez devoir deviner quand Rihanna chante et vous direz son nom. D'accord. Et quand Eminem chante. C'est parti. Rihanna. C'est la petite Rihanna qu'on reconnaît. Et Nem, comme vous l'avez dit, le rappeur Nem, on adore. Pour finir, quelle troupe de chanteurs bien connus a interprété ça? Vive les gros nichons. J'adore. Faut du volume sous le téton. Les Enfoirés. Les Enfoirés, c'est une très bonne réponse. C'est leur dernier single en fait qu'ils ont fait au profit de l'association. Oui. Les Restos du cul. Ah, mais c'est bien. J'aimerais beaucoup l'entendre en entier, non? Vous voulez pas qu'on la diffuse? Et vive les gros nichons. Non, je suis pas sûr. C'est Fun Radio que vous écoutez, la famille. Je paye de la facture après Cachemire, c'est le nouveau Wild Card. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your famille, merci d'avoir choisi Fun Radio. C'est vendredi, c'est le 2 septembre. Dans quelques secondes, il y aura Major Lazer. Et puis vous vous lâchez là avec le hashtag Bruno Fun Radio, Brésil, France. Vous faites un mélange des deux pour trouver le prénom du futur enfant de Vacher. Déjà pas mal de propositions là qui arrivent. Beaucoup de Jean pour le prénom français et Neymar. Beaucoup. Pour le prénom brésilien. J'en ai marre, forcément. Ça marche pas mal. Il y a du Louis. Bon, après, il y a des gens qui se lâchent, mais ça me fait rire. Il y a Yannick Vidal sur Twitter qui dit Waouh, Edornachinho dos Santos Lima e Macarena. Oula, c'est très très long. C'est pas très français. Alors, j'arrive pas à le retrouver, mais il y a un gars qui a mis sur Twitter quand même Jean Chimail. comprendra qui pourra. Voilà. Gmail, c'est un garçon-fille. C'est un garçon avec un zizi. Ouais. Ouais, c'est un mélange des deux. Quoi. Juan Louis. Bon Jean-Louis. Ouais, ça marche. Ouais. Trouver un prénom au bébé de Vacher, là. On va en parler ensemble. 3228, ça marche aussi. Hein. Et pour nos amis belges, 02 85 10 000. Tiens, alert people. Oui, parce que les infos people, ça peut tomber n'importe quand. Et cette année, on a décidé, plutôt que de faire un vrai journal people de 10 minutes, dès qu'une alerte tombe, Christina nous en parle. Et bah là, on part où ? Eh ben, on part aux États-Unis, puisque ça ne fait plus de doute. Rihanna et Drake se sont remis ensemble. On avait des doutes quand même depuis quelques jours, surtout depuis les Video Music Awards, où ils s'étaient longuement fait un câlin sur scène. Bon, bah là, il y a carrément un bisou. La vidéo est sur la page Facebook Bruno dans la radio. Et c'est pas tout. Rihanna s'est fait un tatouage cette nuit en hommage à Drake. Elle a fait un petit requin sur la cheville. Et en fait, pour l'histoire, c'est Drake qui lui a offert un petit requin en peluche il y a un mois. Et donc, en hommage à lui, elle lui a fait un petit requin donc sur sa cheville à elle, pour lui faire plaisir cette nuit. Et t'imagines, si ils Nabila, sont fous amoureux. Si Nabila devait faire un tatouage à chaque fois qu'elle se tape un mec, elle serait black. Bruno, allô, paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h10, 8h10, Fun Radio est la seule radio en France à payer vos factures. Bon, comment ça se passe ? Bah, c'est simple. En fait, il suffit juste de balancer vos factures pour qu'on puisse vous les payer. Il y a un site internet maintenant, exprès pour les factures. C'est brunopayevosfactures.fr et puis l'adresse mail fonctionne toujours. Vous scannez votre facture et vous l'envoyez à facture@funradio.fr. Après, le seul truc que vous ayez à faire, bah, c'est d'être disponible le matin quand on risque de vous appeler, soit à 7h15, soit à 8h15. Voilà, c'est tout. Pas compliqué de ouf. On part à Fitilieu. C'est en Isère, c'est joli comme nom. Fitilieu. Chez Romain. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui. Romain, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? C'est Bruno dans la radio. Oh, oh, oh. Comment ça va, mon pote ? Ça va super bien. Romain, et vous ? Eh ben écoute, en pleine forme. Tu fais quoi dans la vie à Fitilieu ? T'as quel âge ? Alors, j'ai 26 ans et je vais commencer mon job de pion dans un collège. Ah, tu vas être surveillant. C'est ça. Ouais. Et tu vas... Moi, je sais pas, si j'avais été surveillant... Je me demande si j'en aurais pas fait autant chier les collégiens que j'en ai chié avec les surveillants quand j'étais au collège. En guise de vengeance. T'as deux écoles. Soit tu fais chier, soit tu peux être le meilleur pote. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Tu te sens plutôt de quel côté, Romain, pour l'instant ? Pour le moment, je crois que ça serait plutôt côté meilleur pote, je pense. Ouais, je te sens un peu sadique, moi, pourtant, à la voix. Bon, Romain, tu m'as envoyé une facture de 429 euros. Est-ce que tu peux expliquer à la France entière qui t'écoute ce que c'est ? Alors, c'est une inscription pour une formation à distance au CNED pour préparer mon concours d'institut. Oh là ! D'institut ? Ah, tu veux être professeur des écoles, donc ? C'est ça. Oh, le CNED. Le CNED, tu sais, je m'en souviens, moi j'ai passé mon bac, je l'ai raté, et comme on m'avait proposé un boulot en radio, j'avais dit bah écoute, c'est pas grave, je vais prendre le boulot en radio et puis je passerai mon bac en candidat libre. Ouais. Et donc je recevais les cours du CNED. Bon ben, je crois que les enveloppes ne sont toujours pas ouvertes et elles sont chez mes parents dans un carton. Et le bac en candidat libre, c'est une légende, hein. Personne ne la repasse. Aussi à 98 ans, t'en as à chaque fois. En fin d'année, quand il y a le bac, en fin de saison scolaire, on dit ah bah tiens, il y a Cyprien qui a 96 ans qui a passé son bac en Aveyron. Tu vois ça, ouais, Jean-Pierre Pernaut. Et ils finissent par lui donner parce qu'il fait pipi dans la classe. Ça compte pas. Romain, 429 euros, ta formation pour être prof des écoles, c'est moi qui te l'offre. Merci beaucoup. Et bah de rien, Romain, on t'envoie le chèque vite, je t'envoie ça. Bah merci, à vous aussi. Passez une belle journée, ciao ciao. Vous savez que j'ai été pion une fois moi aussi ? Ah oui ? Pardon ? Ouais, au Monopoly. Je faisais le chapeau. Après, j'ai eu de reconversion. J'ai pas compris. J'étais pion sur le jeu de dames. Ah, t'as pas compris ? Mais pourquoi je faisais le chapeau ? Parce qu'au Monopoly, en fait, les pions du Monopoly, c'est des formes. T'as la petite voiture, t'as le chapeau. Mais non, il vient de dire le jeu de dames. Ouais, bah. Après, ouais, c'est ma reconversion. Je ne comprends pas, Elliot. Non, laissez, c'est quoi ? Mettez pas de musique, laissez un vide. Explique-moi. Le pion, le chapeau et le jeu de dames. C'est super drôle. Moi aussi, une fois, j'ai été pion. Oui. Ils ont tous dit, oh, sans déconner. Ouais. J'ai répondu, ouais, au Monopoly. J'ai été pion au Monopoly. Et j'ai fait, t'as dit, au jeu de dames. J'ai fait le chapeau. Après, il a dit ça. Ouais, et après, j'ai dit, ouais, j'ai fait une reconversion. Après, j'ai fait le pion au jeu de dames aussi. Pour que vous compreniez, parce que j'ai l'impression que pour toi, le Monopoly, c'était pas très clair, alors. Ah, ça m'a bien fait marrer. Ça. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Vous arrivez sur Fun Radio. Non, mais parce que, tu vois, moi, à un moment, je vais avoir une... Depuis lundi, le gars est en train de pleurer de rire à côté de moi. Mais il est fan de lui. C'est son premier fan. On le sait que t'as plein de fans, Elliot. Depuis lundi, il y a des gens qui nous ont rejoints sur Fun Radio qui ne nous connaissaient pas avant. Des gens qui écoutaient d'autres radios, des radios illustres avec d'illustres animateurs et qui se sont dit « je vais faire le test ». Depuis lundi, pierre après pierre, brique après brique, nous construisons le succès de cette nouvelle saison. Et ce qu'il vient de se passer, c'est quoi ? Elliot vient de foncer dans ce mur. Je l'ai tout détruit. Ce mur est tout cassé, il va falloir le refaire. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi ? Et encore, déjà, moi t'imagines, je ne comprends pas tes vannes, moi qui parle ta langue, je me mets à la place de Teddy. Teddy ? Ah oh. C'est un de nos auditeurs qui nous écoute aux États-Unis dans le Kentucky. Il est dans son champ de maïs, là, au moment où je suis en train de parler, il doit être en train de passer sa moissonneuse batteuse. Qu'est-ce qu'il est en train de se dire, Teddy ? When Elliot is making a good joke, oh my God. Quand Elliot fait une bonne vanne, mon Dieu, mais je ne comprends pas toujours ce qu'il dit. Alors, j'entends les gens rigoler, je me dis, si ça se trouve, ça doit être drôle, et alors ? Mommy, can I lick your pussy ? Et alors, je dis, maman, sers-moi un café. And she's smiling. Et elle sourit. Oh my God. Major Lazer arrive dans quelques secondes. Cold Water, c'est le nouveau avec Bieber, Justin Bieber. Et puis on essaye de trouver un prénom ensemble, à la fois français et brésilien, pour le futur enfant de Vaché. A tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Salut, c'est Martin Solveig sur Fun Radio. Major Lazer. The Parakeet. Salut, c'est DJ Snake. Fun. DJ Snake et Justin Bieber. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Dis donc, la rentrée est à moins 50% chez But. Mais ils font pas les choses à moitié. Je viens de te dire le contraire, elle est à moins 50% la rentrée. Non mais c'est une expression, c'est comme couper les cheveux en quatre. C'est pas une expression, c'est mathématique. Rentrez nos stress chez But. En ce moment, le matelas Dream et Avisco Spring 140x190 est à moins 50%. 219,99€ au lieu de 433€. But, c'est nous. Avec Léa, très à l'aise à la piscine. Oui, sans doute grâce à ses lunettes de natation Nabeji X-Base. Dotées de joints très souples, ses lunettes sont confortables et parfaitement étanches. Léa qui exécute une magnifique longueur en papillon. Un véritable papillon dans l'eau. Un véritable poisson dans l'eau, non ? Ça dépend des points de vue. Chez Decathlon jusqu'au 24 septembre, la rentrée à petit prix joue les prolongations. Avec les lunettes de natation X-Base de Nabeji à seulement 2,99€. Decathlon, à fond la forme. Liste des magasins participants sur decathlon.fr. En ce moment, c'est le happy 55e anniversaire Auchan. Un anniversaire ? On doit faire un cadeau ? Mais non, c'est celui d'Auchan. Ah, super ! Aujourd'hui seulement, dans les magasins Auchan, Adepa et Simply Market, profitez d'une bouteille de champagne brute 75 centilitres à 9,60€. 9,60€ la bouteille de champagne ? Champagne Louis Journet dans les magasins Auchan et champagne Luc Darrow dans les magasins Adepa et Simply Market. Auchan, la vie que j'aime. Happy égale heureux. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a ? La rentrée approche et j'ai rien à me mettre. Bah fais comme nous. Pour additionner look de ouf et nouveautés sans se ruiner, on va chez Célio. Regarde, en quelques clics, t'es branché sur leurs actus, les tendances et les bons plans. Tiens, en ce moment en magasin, avec l'offre 1 plus 1 égale 3, pour deux articles achetés, le troisième est offert. Pour deux articles achetés seulement, le troisième est offert ? Eh ouais. Allez les gars, on fonce chez Célio. Voir conditions de l'offre en magasin ou sur Célio.com. Rejoignez-nous sur notre page Facebook. Casino, Chez Casino, pour l'achat d'un carton de 6 bouteilles de Saint-Émilion, le deuxième est gratuit. Et donc, Mélanie adore le Saint-Émilion, foncez chez Casino. Jusqu'au 18 septembre, c'est la foire au vin dans tous les supermarchés Casino. Et pour l'achat d'un carton de 6 bouteilles de 75 centilitres Lussac Saint-Émilion 2015 Château Saint-Pierre de Rambourg, le deuxième est à 0€ au lieu de 47,40€, soit 3,95€ la bouteille seulement. Avec Casino, prenez goût aux économies. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je suis le dressing de chez Castorama. Et avec tous mes copains du rayon rangement, nous encourageons tous ceux qui ont des idées à aller jusqu'au bout de leur projet. Pas vrai, les amis? Oui! Alors ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, Castorama vous offre 15% de remise sur les dressings, les portes de placard, les boîtes de rangement et accessoires de penderie. Oh, ça y est, je sens que je vous donne déjà envie de ranger. Hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr, liste et horaires des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Wake up. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais. 6h-9h on Fun Radio. On va essayer de gérer les problèmes de Solène. Elle a 11 ans, elle veut qu'on appelle sa mère là tout à l'heure à 7h30 pour que sa mère accepte qu'elle parte à la Paris Games Week. Solène, nous allons gérer ton problème en direct. Pour l'instant, Justin Bieber, Major Lazer, c'est sur Fun Radio. Hey, it's Major Lazer with Bruno on Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will besoin des auditeurs de Fun Radio. Là, faut trouver un prénom à la future descendance de Vacher, ce petit garçon qui arrive. Mélange de Brésil et de France, puisqu'il nous l'a dit, ce sera un mélange des deux, de lui et de sa femme. Alors, on a des auditeurs qui ont appelé, il nous faut du prénom. Pour qu'on lui trouve un prénom, et après on l'appellera comme ça, quel que soit le prénom de l'enfant. D'accord. Bonjour Christopher, à Saint-Fiac-du-Maine dans le 44. Salut Bruno. Tu proposes quoi? Alors moi Bruno, je pense que Vacher appellera son fils Fabricio. Fabricio. C'est possible, c'est possible ça. Mélange de Fabrice et c'est un peu brésilien. Ah oui, je te prends Fabricio, Christopher. Je t'embrasse. Vas-y, fais voir ta tête. Déjà, je suis pas fan de Fabrice, alors lui rajouter un O, je crois que c'était déjà foutu avant. Pardon. Franck, à Évreux, bonjour Franck. Bonjour la famille. Coucou. Franck, salut. Tu proposes quoi? Moi, je propose Paolo. Ah. À Paul et Paolo, brésilien. Ouais, je pense que ça peut faire. Et c'est un peu ancien. C'est un peu commun, Paolo, non? Je sais pas, ça se... Franck, il faut dire quelque chose, c'est que Vacher nous a avoué que le vrai prénom est visiblement sorti dans les propositions des auditeurs, soit sur Facebook, soit sur Twitter. Ouais, je l'ai vu. Ah.

Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bougez pas, Bruno. Il y a Virginie qui sera au téléphone avec nous dans un quart d'heure. Je voulais absolument qu'on la prenne, Virginie, vous savez pourquoi? Parce qu'elle présente à une, elle se représente à une élection de Miss. Ah. De Miss Ronde. Et moi, j'aime bien mettre en avant les Miss Rondes. On l'aura en direct au téléphone avec nous, là, dans moins d'un quart d'heure, 10 minutes, quoi, en gros. Fun Radio. Le son. Fla. Le point sur l'actu de ce vendredi, c'est le 2 septembre. Comment ça va, Maxime Poulaouek? Très bien, mon petit Bruno. Et oh, mon petit Bruno, ça y est, on commence à être très proche. On est intime. C'est bien qu'on va faire des enfants. on commence avec la météo de ce vendredi. C'est encore du kiff, hein, la météo aujourd'hui. Du soleil quasiment partout, de plus en plus de nuages. En revanche, au fil des heures, dans le nord-ouest, principalement en Normandie, avec de la pluie dès ce soir. Les températures continuent de grimper. 13 à 17 degrés ce matin. Dans l'après-midi, on attend 19 à 22 en Manche. Plus généralement, 26 à 30 sur la moitié nord. Jusqu'à 35 dans le sud. 35 par exemple à Nîmes et Montauban. Objectif mondial 2018. L'équipe de France de foot a retrouvé le goût de la victoire hier, 53 jours après l'échec en finale de l'Euro. Les Bleus ont battu l'Italie 3-1 en amical. Des buts inscrits par Martial, Giroud et Kurzawa. De quoi bien préparer le début des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Ça commencera mardi prochain par un déplacement en Biélorussie. Malgré les polémiques sur le collège, François Hollande veut maintenant réformer le lycée, que ce soit le général ou le professionnel. En déplacement à Orléans pour la rentrée, le président a évoqué les métiers d'avenir. Il a également défendu son bilan en matière d'éducation. Le démantèlement de la jungle de Calais doit se faire étape par étape, mais avec détermination. Déclaration hier de Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur se rend aujourd'hui dans les Hauts-de-France et rencontrera la maire de la commune. Près de 7000 migrants se trouvent sur le site. Les associations évoquent un chiffre plus élevé de 9000 personnes. La place de la Comédie, la Garonne et le soleil, la ville de Bordeaux et la ville où les Français aimeraient travailler, selon une étude de Great Place to Work dévoilée hier. C'est la troisième année que la ville girondine arrive en tête. Nantes et Toulouse complètent ce podium. Paris prend la 7e place et Marseille la 19e. Et puis votez pour vos DJ préférés. Les votes pour les Fun Radio DJ Awards s'ouvrent aujourd'hui pour la 4e édition. Rendez-vous sur partyfun.fr. Les résultats seront dévoilés au mois d'octobre à Amsterdam, 7h36, c'est Fun Radio. Bruno vous accompagne jusqu'à 9h. Bon réveil. On est l'archi-élite de l'élite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Vendredi, c'est le 2 septembre. Bonjour tout le monde. Vous vous réveillez avec Fun Radio. On a du bon son pour vous. Willy William. Ça va arriver dans quelques secondes avec Chris Cab. Le nouveau Sigala, il est là également. Ah bah vous vouliez de la musique douce, c'est foutu, hein. Vous êtes sur Fun les amis. Et le dernier Chainsmoker. Plus cool, Closer, dernier Chainsmokers. On aura Virginie au téléphone dans un quart d'heure. Virginie, elle participe à Miss Ronde Haute Normandie. C'est prévu pour samedi, là, c'est demain. Moi, je préfère limite aux Miss France, quoi. Elles sont aussi belles, voire plus belles, moi, je trouve. J'aime bien. Moi, j'adore la démarche. Voilà, j'adore la démarche. Et moi, je trouve, voilà, il y a des femmes bien en chair qui sont extrêmement jolies. Excusez-moi, je vais être sérieux 5 minutes. Oui. Moi, je trouve que la vraie progression, ce sera le jour où il y aura le concours des Miss général. C'est-à-dire qu'on se dira pas, ouais, t'es trop belle, t'es trop grosse. Toutes les femmes pourront le faire, tu vois ce que je veux dire. T'as bien raison. On pourra toutes les mater. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bon on message. Prendra notre petit rouleau de sopalin devant notre télé et on choisira nous-mêmes sur qui on veut faire notre affaire. Oui. D'accord. Allez, c'est la chanson du jour. On a comme un petit problème. Le vendredi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du vendredi. Chanson du vendredi, faites sonner le clairon pour Solène. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Salut Solène, 11 ans, t'habites à Falaise, on est dans le Calvados, c'est ça? Oui. Le numéro sur lequel on t'appelle, c'est t'as déjà ton portable à 11 ans ? Bah oui, j'en ai une 12 en octobre, c'est pour ça que j'ai mon portable. Tu sais que ma sœur a eu son premier portable à 10 ans et son premier iPhone, et ça me fait mal au fion de le dire, à 12 ans, tu te rends compte ? Son premier mec à 13 et son premier gosse à 14. Ouais, ouais. Et toi, tout va trop vite, tout va beaucoup trop vite. Bon, Solène, merci d'être fidèle à Fun Radio et merci d'avoir fait appel à moi là pour tenter de régler ton problème. Tu m'as écrit à bruno@funradio.fr, c'est l'adresse mail que vous utilisez quand vous voulez participer à la chanson du jour. T'es proche de ta maman, elle s'appelle Sophie, ta mère. Tu me mets que t'es bonne élève, que t'as terminé ta 5e l'année dernière avec 16 de moyenne, ouais c'est bien, ouais ça va. Que tu te disputes de temps en temps, mais pendant les repas. Parce que tu te disputes avec tes sœurs. Elles ont quel âge, tes sœurs? J'en ai une qui a 13 ans, une autre à 9. Ouais, t'es entre les deux, quoi. C'est la place la plus compliquée entre les deux. T'es passionné de jeux vidéo, tu joues sur l'ordi. Minecraft, oui. En gros, surtout, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. 11 à 12 heures par jour pendant les vacances, putain. Oh hein, la donc, vache. T'avais la, ouais, tête, la tête dans le délire, quoi. 11 heures par jour de Minecraft, non. Mais tu dois finir avec la gueule en vrac, non, Solène? Non. D'accord. Je suis habituée. Bon, t'as demandé l'accord à ta mère pour aller à la Paris Games Week, seulement ta mère veut pas. Et là, tu nous as dit, il faudrait que on intervienne. Alors, explique-moi, parce que si on arrive à la décider, t'es dans le Calvados, la Paris Games Week, c'est à Paris, comment tu fais pour y aller à 11 ans? Bah, on y va, elle m'emmène en voiture, c'est assez facile. Ah oui, tu vas avec ta mère. Ouais, donc faut la démarche qu'elle t'accompagne ici à Paris. Bon, en même temps, du Calvados, c'est pas la mer à boire non plus. Non, ça va. Si elle accepte, tu m'as mis que tu te jures d'être plus gentille, de mieux bosser à l'école, de moins te disputer avec tes deux sœurs et de passer moins de temps devant l'ordi, de vider le lave-vaisselle sans gueuler. On sent bien ah, les trucs. Ah, je vois bien, tu sais, quand tu ronchonnes, là, que ouais. Tu mets les assiettes. Mmh, j'en ai marre. Solène. Ça veut rien que mettre mes trucs à la poubelle, voilà. Bon, Solène, ta mère est en antenne. Elle sait pas pourquoi elle va arriver en direct sur Fun Radio. Tu lui as rien dit, hein? Non. On va lui faire la chanson, on lui fait passer le message et après on essaye de gérer avec toi, d'accord ma chérie? Ok. Tu bouges pas. Au téléphone avec moi ce matin, il y a Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour, oui. Allô Sophie, bienvenue bienvenue sur Fun Radio, je m'appelle Bruno Guillon, Sophie. Oui. Et si vous êtes là ce matin, c'est que j'ai un message à vous faire passer. Un message à me faire passer? Ouais, détendez-vous, tout va bien, hein, vraiment. Oui. C'est un message de la part de Solène. Oui. Vous écoutez les paroles, c'est une chanson. Oui. La chanson, elle a été écrite spécialement pour vous. On écoute les paroles ensemble et on en parle après, d'accord? D'accord. Eh ben, c'est parti. Ah bah, et Solène, ça va vous parler, ça? Bah oui. Sophie, c'est de votre génération. Sophie, ta fille est fan de jeux vidéo. Comme toi, à l'époque où t'étais fan de trucs vieillots. De nos jours, y'a plus de Mega Drive, de Pong ou de Pac-Man. Ça a évolué et aussi vite que se transformait Bioman. Et y'a un salon plein de nouveautés, car si elle nous fait chanter, c'est qu'elle aimerait bien Mega Giga y aller. Si tu pouvais l'accompagner, ça serait tip top. Attention, sinon elle va dire que t'es trop naze, Brock. Donc Sophie, si tu dis oui, ça serait vraiment dingue. Ça serait le plus beau jour de sa vie, elle foncerait à toute berzingue. On dit avec tes mots pour que tu comprennes que si elle le rate, elle en aura gros sur la patate. Alors laisse-la aller à la Paris Games Week. Car je te jure que pour Solène, ça serait tellement magique. Comme si toi, en une minute, t'avais réussi un Rubik's Cube. Ou si Gilbert Montagnier sortait un nouveau tube. Sophie, je crois que vous avez le droit à tous les clichés de votre génération. Cela dit, je ne vais pas me moquer, on a quasiment le même âge. Alors, Sophie. Oui. Est-ce que vous avez compris le message? Oui, ma fille veut aller à la Paris Games Week. Eh oui. Allez, ça va, vous avez... Vous habitez dans le Calvados, c'est pas loin, loin à Paris. C'est 2 heures, je pense. 2 heures de route en voiture. Oui. Et oui. Alors ben je sais que c'est pas si loin que ça, mais Solène, elle va avoir 12 ans. Ouais. Et ben. Donc je trouve que c'est quand même un peu jeune pour aller à la Paris Games Week. Mais si vous l'accompagnez. Si vous l'accompagnez, bah ben oui, non mais le problème c'est que Solène n'est pas non plus notre seule fille. Elle le sait bien. Et ben, si on lui paye la Paris Games Week, ça veut dire que sa sœur aînée, il faut lui payer le concert qu'elle veut, qui est à Paris aussi. Et la petite aussi. Il fallait pas faire autant d'enfants. Oui, mais bon. Sophie, vous pouvez répartir ça sur l'année. Ah bah oui, non, mais bon, voilà quoi, c'est... Bon, Sophie, Sophie, vous pouvez m'accorder 3 petites minutes? Oui. 3 petites minutes. On réfléchit, on essaye de trouver une solution de groupe. Bon, ouais. Ok, ça va être on négocie le temps d'une petite coupure et on revient en direct sur Fun Radio. Bougez pas, je gère le dossier. À tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance électro. C'est Fun Radio. Kongs. Martin Solveig. Lion. Ugel.

remplacement. Il y a une casse qui vous manque ou quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h. Vous écoutez la première radio Dance Floor de France, c'est Fun Radio et Solène qui m'a écrit pour essayer de faire passer un message à sa maman Sophie avec qui on essaye de négocier un petit voyage à la Paris Games Week. Sophie, tu nous disais... Oui. J'ai tutoyé Sophie, on a quasiment le même âge, je me permets. Tu nous disais donc que tu avais 3 enfants et que si tu devais gérer Solène, tu devais gérer les 2 autres. Bah oui. Bah je comprends. Bon, clairement sur le papier... On essaye quand on en a une de faire la même chose pour les 2 autres. J'entends bien. Falaise, Paris, c'est combien? C'est 2 heures de route. Oui. Sur les autres enfants, c'est quoi leur passion? Il y a Naïg et Thaïs, c'est ça? Naïg et Thaïs, oui. Ouais, alors Thaïs, à 13 ans, elle aime quoi, elle? Thaïs, elle est fan d'un groupe de musique. Qui s'appelle comment? Les 5 Seconds of Summer. D'accord. Ah oui. 5 Seconds of Summer, c'est très bien. Mm-hmm. Je sais pas s'il passe dans le coin bientôt, faut qu'on regarde. Regardez sur le net, on précise comment, mais bon. Il passe dans le coin bientôt? Dans le Kentucky. Non. Moi, j'ai une date dans le Kentucky. Naïg, elle est fan de quoi? Elle a que 9 ans, donc elle a pas vraiment... Bon, bah tu vois, alors déjà, hop, de ce côté-là, on est tranquille. Bon, la prochaine date des 5 Seconds of Summer, c'est aux États-Unis. Ouais, ça va faire loin, laisse tomber, je pourrais pas. Oui, ça va faire un peu loin, je crois qu'ils sont venus il y a pas longtemps en France. Mais... Sophie, moi, ce que je peux te proposer par rapport à la Paris Games Week, c'est un événement Fun Radio. Donc déjà, en termes de budget, moi, j'offre les entrées pour toute la famille. C'est déjà pas mal. Budget c'est pour... super. Voilà, vous avez toutes les entrées... Petite visite au Paris Games Week et puis après vous pouvez faire une petite visite à Paris, c'est sympa quand même Paris. Oui. Oui, Sophie. C'est sympa. Bon, on dit quoi? On fait quoi? On dit quoi? Allez, ça va lui faire plaisir. Je peux difficilement dire non là. Bon, et alors dans ces cas-là tu dis oui. Bah oui. Bon, Solène. Oui. Et ben voilà. Oui. Bravo. Tu dis merci à ta maman, hein, Solène. Oui, j'ai dit merci, là. Voilà. Et tu me dis merci aussi un petit peu, quand même, parce que c'est moi qui paye les places. Oui, j'ai dit merci aux autres. Et Solène, elle a les larmes aux yeux. Oh. Et Sophie. Ah oui. Sophie, tu fais une heureuse. Je te remercie, je t'embrasse. Je sais. Bisous. Bisous. Solène. Bisous. Oui. Bon, et maintenant, ta mission, c'est là, tu rentres au collège. À quelle heure tu prends les cours? 8h30. D'accord. T'es en quelle classe? 4e. D'accord, je veux que toute ta 4e écoute Fun Radio à partir de lundi. On est d'accord? Et à ma base là ou pas? Ouais, de ouf. On s'en fout, balance la thune, je veux aller à la Paris Games Week. Ouais. Et raccroche, t'es pas mon père, ciao. On est d'accord? Non, Solène. J'ai juste... De quoi, qu'est-ce que tu dis? Non, mais comme il y a des gens que je connais pas trop, je vais pas leur demander. Mais oui. Ah non, mais t'inquiète pas, mais c'est Solène. C'était Solène. Une image. Quand je dis ça, c'est une expression, c'est une façon de parler. Oui, je sais. Je t'oblige pas à le faire. Je te fais des bisous, Solène. Bisous. Ciao. Trop mignonne. Bonjour, je sais qu'on se connaît pas, mais si tu pouvais écouter Fun Radio. En même temps, s'ils écoutent Fun Radio, ils ont le nouveau Cigala, là, les gens. Et du coup, ils sont contents. I may be selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. I need it. Give me your heart. I'm bleeding. Give me your love. I need it. Oh, yeah. Fun Radio tous les matins, c'est tout le temps pas pareil. Et pour cette nouvelle rentrée, nous avons amené des petites nouveautés, dont brioche au croissant. Là, tout à l'heure, c'est Capucine. Vous vous souvenez de Capucine, Capute, Secret Story, Capucine à l'ave. Bien sûr. Elle lance une série top qui va arriver sur YouTube et sur MyTF1 qui s'appelle Les Colocs. En coloc. Ouais, exactement. En coloc. Et c'est génial. On a vu le premier épisode, c'est canon. Très surpris. C'est l'invité ce matin de Brioche au croissant, sera tout à l'heure à 8h. Mais pour l'instant, après la chanson du jour, enchaînement sans transition avec Virginie. Bonjour Virginie. Salut la famille. Coucou. Virginie, tu habites à Bourg-Achard. On est dans le département de l'Eure et tu participes demain à Miss Ronde Haute-Normandie. Tout à fait. Eh bien, bravo. Déjà, pour ça, j'ai envie de te féliciter. Voilà. Moi, je trouve que c'est génial. J'adore cette démarche. Explique-nous. Alors, du coup, tu as été sélectionnée comment ? Alors, en fait, il fallait qu'on s'inscrive sur le comité Miss Ronde Haute-Normandie avant le 5 juin de cette année, via Internet. Et ensuite, le 3 juillet, il y a eu une épreuve de présélection où il a fallu qu'on fasse trois passages en défilé. Un passage en tenue de ville, un passage en lingerie et un passage en robe de soirée. Qu'on fasse un discours et qu'on réponde à un QCM. D'accord. Donc, en fait, avec les 12 autres candidates qui étaient en lice ce jour-là, on a toutes été sélectionnées. Et donc, demain aura lieu l'élection officielle de la Miss Ronde Haute-Normandie. Donc là, on est 10 concurrentes. D'accord. T'es très jolie. Moi, je vois ta photo, elle a les cheveux courts. C'est quoi ? C'est une démarche. C'est une démarche un peu, d'émancipation, parce que du coup, ça aide aussi à bien s'assumer, le fait de défiler en lingerie devant des gens, etc. Je trouve ça à la fois très courageux, et puis surtout, c'est une façon de s'assumer, et c'est un super message qui est lancé par rapport... tu vois, on avait Solène tout à l'heure, qui avait 11 ans, à des filles qui sont jeunes et qui, des fois, n'assument pas leur surpoids. Et ben, je trouve ça génial, et c'est pour ça que je voulais te prendre à l'antenne ce matin, Virginie, pour te féliciter. Bah merci, c'est gentil. Et du coup maintenant t'es de la win. Demain c'est toi qui gagne. Vous êtes combien demain? On est 10. D'accord, ok. Ouais. Et alors on gagne quoi quand on est Miss Ronde? Du jambon. Non, sérieusement, vous avez quoi? Des produits cosmétiques? C'est quoi ce qu'on vous offre? Oui, en fait, on gagne des petits cadeaux et après, on a la chance de participer à l'élection nationale de la Miss Ronde Haute-Normandie, de la Miss Ronde France, pardon, qui aura lieu en janvier. Bon, tu sais quoi? On est à fond derrière toi, Virginie. Merci. Et encore une fois, je disais, il y a tellement de nanas qui n'osent pas se mettre en maillot de bain, tellement de nanas qui ne s'assument pas à cause des gravures de mode qu'on voit dans les magazines, que je trouve que c'est une super OP, l'OP Miss Ronde. Oh ouais. Donc je te fais des bisous. Je t'embrasse fort. Ah, je peux passer une dédicace? Vas-y Virginie. Alors je passe une dédicace aux 9 autres concurrentes qui sont avec moi et que j'adore, à tout le comité, ma famille, mes amis, mais aussi toutes les personnes qui me reconnaissent, sans oublier mon chéri et ma fille Solina. Et écoute, le message est passé, on t'embrasse fort Virginie. Moi, c'est top, mais tu sais Bruno, il y a de plus en plus de marques qui sollicitent les femmes rondes, ça se fait vraiment de plus en plus. Et je trouve ça super. Allez, dans 3 minutes, 8h. Journal pas en image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et aujourd'hui, nous fêtons une bonne fête au Ingrid. Et vous saviez que si vous changez 5 lettres à Ingrid, ça fait Mathieu. Et pour commencer, télévision, hier soir, c'est Damien qui est sorti de Secret Story. Son secret était le film dans lequel j'ai joué a obtenu la Palme d'Or à Cannes. Découvrez en exclusivité son nouveau secret. Je postule au Pôle emploi avec un CV de merde. Rentrée, et aujourd'hui, c'est le deuxième jour de cours pour les élèves. C'est le jour 1, celui qu'on retient. C'est le deuxième jour, qu'elle est conne celle-là. Hier, les Bleus ont battu l'Italie 3-1 en match amical. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis justement avec les joueurs italiens pour une interview. Ah. La pizza de la football de Francia est de la Fiat Panda, de la spaghetti à la carbonara, Paul Dolce Gabbana de Milano. Vous parlez italien, Anthony ? Absolument pas. Eh vous savez quoi, ça s'entend. Et pour finir, si vous aimez les découvertes bancaires et les dessins animés, faites un Shrek sans provision. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure. Nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. 8h10, en direct sur Fun Radio, je paye votre facture. I'm gonna...

le premier match de qualif pour la Coupe du Monde. Rendez-vous incontournable de la musique électronique. La 7e édition de l'Inox Park se déroulera demain de 11h à minuit à Chatou dans les Yvelines. Parmi les artistes présents, Chucky, Don Diablo ou Niels Van Zandt. À suivre dès 16h demain sur Fun Radio, la retransmission en direct de l'événement avec JB, Adrien Thomas, Mika et Mikosé. Gagnez vos places pour l'Inox Park en vous connectant dès maintenant sur funradio.fr. Il est 8h04, bon réveil. Fun Radio. Vendredi, c'est le 2 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 8h04. Bonjour! Mais les amis, quel est donc le jour de cette semaine? Vendredi. Vous avez dit quel jour? Vendredi! Oh putain, c'est vendredi! Oui, c'est vendredi! Ça veut dire que vous avez repris hier, vous avez une grosse semaine. Hier, c'était la rentrée, aujourd'hui, c'est le week-end. Que demande le peuple? Franchement. Le peuple demande à bouger son petit cul parce que le peuple, il aime bien jouer sa chagasse le vendredi. Eh ben, ça tombe bien. On a le son qu'il faut pour ça. Kungs et Tayo Cruz. C'est ce qui va arriver dans la demi-heure. Nouvelle heure qu'on va ambiancer avec Christina. Bonjour. Il y a Vaché. Bonjour. Je suis ennuyé parce que il y a trois quarts d'heure environ, nous avons tenté de trouver un prénom au futur enfant de Vaché. Vaché sera papa mi-octobre. C'est un garçon. Il aura des origines brésiliennes par sa maman, française par son père. Et l'info que nous avions depuis quelques semaines désormais, c'est que ce prénom était à la fois brésilien et français. On a lancé tout à l'heure une étude nationale. On a demandé aux gens de nous dire. Et alors, on a fait plein de propositions. On n'a pas trouvé. On a décidé d'autorité que maintenant, quand on parlerait de ton futur fils, on l'appellerait Jean-Claudio. Mais en tout cas, Vaché nous a avoué que le vrai nom a fuité sur Twitter. C'est-à-dire qu'il y a un auditeur qui a trouvé le vrai nom. Tout à fait, c'est une auditrice qui a trouvé. Mais alors, il faut savoir que je sais pas si c'est d'origine française ou brésilien ou j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe au Brésil et en France et que c'est prononcé exactement pareil dans les deux pays. Le seul truc qui change, c'est l'orthographe entre la France et le Brésil. Voilà. Christina, t'es obligée de. Ah, mais je suis en train, depuis tout à l'heure, je suis en train d'étudier mes postes. La famille n'est pas au courant, personne n'est au courant. Non, mais de toute façon, non, mais je le garderai pour moi. Vas-y. Nous avons atteint un tel degré d'amitié, toi et moi, que je sais pertinemment, en te regardant dans les yeux, que si je donne le vrai prénom, arrête. Tu ne sauras pas faire une poker face. Je vais m'éclater les yeux. Ouais. Je vais les arracher. Comme ça. On en a cité deux déjà où il a commencé, Bruno, à. Eh oui, Elliot, je sais. À rire. Je sais. On va essayer. Trouver. Franchement, avant 9h15, on peut. Brioche ou croissant, la nouvelle rubrique? Non. Si, brioche ou croissant. C'est une copine à nous, c'est Capucine. Capucine Anna, vous savez, elle était passée dans Secret Story. Ouais. Capu. Et alors, elle a lancé une série. Je vais être très honnête avec vous et je le dis avec d'autant plus de facilité que quand elle m'avait contacté, je me suis dit, ok, une ex de Secret Story qui vient d'Energie 12 en plus. Energie 12 et tout, ça pue du cul la story. Bon, à la limite, tu la regardes parce que bon, elle est jolie, quoi. Ouais. Très belle. Et ben, vous savez quoi, j'ai regardé. Ça s'appelle En Coloc. Ça arrive sur YouTube et sur mytf1.fr dimanche à 18h. Il y a un autre pote à moi qui est dedans qui s'appelle Anthony Sans H, que j'avais vu à l'époque dans On ne demande qu'à en rire, qui est super bon. Et un troisième comédien. Et donc ça s'appelle En Coloc, c'est à mourir de rire, vraiment. Et donc, voilà, c'est en ligne à partir de dimanche 18h. Et du coup, c'est Capucine qui répond à Brioche ou Croissant. Brioche ou Croissant? Go! Moi, je suis plutôt brioche nature, avec les petits sucres sans le dessus, j'adore. Maître Gims ou Soprano? Oh, c'est dur, je kiffe les deux. Mon Dieu, Soprano. Plutôt merde ou mince? Moi, j'ai plutôt merde. Je sais que c'est pas bien du tout, mais je dis merde. Cowboy ou indien? Ah, cowboy. Les cowboys, ils sont grave excitants. Bah ouais, cowboy. Faire l'amour dans un lit ou dans un endroit insolite? Dans un lit. Je suis la meuf la plus basique. Tu sais, moi, il faut que ce soit dans un lit, tranquille. J'adore ça. Marc Lavoine ou David Guetta? Ah putain, Marc Lavoine, il est canon, hein. Mais en termes de musique, David Guetta. Mais en termes de beauté, Marc Lavoine. Les To Be Free ou les Spice Girls? To Be Free, oh no, To Be. Extravertie ou timide ? Je vais être extravertie dans le milieu de la télé, quand il y a des caméras, tout ça, mais introvertie quand on est dans le perso. Homme barbu ou rasé ? Allez, pour faire plaisir à Bruno, je vais dire homme barbu. Ah. Coucher le premier soir ou plus tard ? Ça dépend avec qui. Eh ben, elle a réussi, elle m'a excité là. Oui, par contre, il y a une question que j'ai pas compris, Meryl, oui. Parce que c'est Meryl qui pose les questions. Tu dis quoi, mince ou merde ? Ben oui, quand tu jures. Merde ou mince ? Tu dis merde ou mince ? Ah, j'avais pas compris. Ah, moi non plus, je croyais genre elle est mince ou tu dis merde, genre tu manges ce que tu veux, tu sais. J'avais pas compris. D'accord, ok. Ah, ben tu sais, moi, il faut m'expliquer, je suis une personne âgée. C'est pas grave. Ah. Vous écoutez Fun Radio, dans 3 minutes, je vais payer de la facture. Mais pour l'instant, laissez monter en vous le feeling du vendredi. Feeling du week-end sur Fun Radio, c'est Kongs. I'm gonna wreck your mind, take it next door. Gonna wreck your mind, don't you didn't know. I'm gonna wreck your mind, take it next door. Gonna wreck your mind, don't you know. On parlait des titres qu'on peut chanter sous la douche, celui-ci. Mais n'importe quoi. This bag, this bag. I wanna stack to rack. I wanna snow. Il se chante en yaourt vachement bien, celui-ci. 8h10, c'est Fun Radio. Vous restez ici. Dans moins de 5 minutes, il y aura a tie, your cruise. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Il y aura qui? Tie, your cruise. Vous avez déjà essayé les comparateurs de vol ou pas ? Vous savez, les comparateurs de vol, c'est quand tu veux partir en vacances et pour payer le billet le moins cher, tu vas sur un comparateur de vol. C'est pratique. Et ils te filent différents trucs. Alors, des fois, pour payer un peu moins cher, il y a des escales. Plutôt que de faire un vol direct, il te dit, voilà, par exemple, je sais pas, tu vas aller aux États-Unis. Il te dit, bah tiens, pour aller aux États-Unis, tu vas passer par Londres ou par Amsterdam. Et puis après, tu récupères un autre vol, mais du coup, tu peux gratter 10, 20 sacs. Ouais, vois, c'est, non, mais c'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui a fait ça sur un site qui s'appelle Skyscanner, ça s'est passé en Angleterre. Il voulait aller en Nouvelle-Zélande, d'accord ? Okay. Et en partant de Londres. Et donc, le site lui a proposé plusieurs escales, d'accord, pour avoir un billet pas cher. Donc il a eu un billet pas cher à l'arrivée, sauf que bon, l'escale qu'on lui proposait, c'était une escale à Bangkok, okay, de 413 786 heures et 25 minutes. Voilà. Ce qui correspond à peu près à une attente de 47 ans dans la capitale. Et c'est vrai que 47 ans d'attente, t'as un tarif qui est vraiment pas cher. Voilà. Bruno, allô, paye vos factures. Oh, il est adorable. Faut avoir un bon sudoku quoi pour ouais, patienter. Je te confirme. Bon, et des billets d'avion, on peut les payer, nous, ici, tous les jours sur Fun Radio, puisque je paye vos factures tous les jours à 7h10 et 8h10. Et pour que ce soit votre facture qui soit payée, il suffit juste de me l'envoyer. Soit par courrier à Fun Radio, c'est ici au 20 rue Bayard, 75 008 à Paris, ou bien par mail, la facture @funradio.fr. Si on vous appelle en direct le matin, votre facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. On va partir à Montpellier, Mompel, dans le 34. On part chez Nestlé. C'est très joli, Montpellier. Merci. De rien. Merci pour ces anecdotes toujours très croustillantes. Nestlé ? Oui ? Bonjour, Nestlé. Bonjour. Nestlé, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? C'est Bruno sur Fun Radio. Oh, bravo ! Comment ça va, Nestlé? Bah, c'est fou, ben, c'est fou de t'avoir, moi, depuis. Tu sais que moi, j'ai commencé à faire de la radio, ça fait longtemps, Nestlé. Ah oui? Ouais. Et alors? Et le premier jour où j'ai commencé à faire de la radio, je m'en souviens, mon premier mot, il était pour toi. Mon premier mot, c'était j'espère. J'espère qu'un jour, j'aurai la chance, peut-être dans un an, peut-être dans 10, peut-être dans un siècle, de parler à Nestlé. Et ce jour est arrivé. Et ben voilà, ce jour est arrivé. Et donc, le plus profond de mes rêves, je me disais, mais tu imagines si cette Nestlé habitait Montpellier? Non. Et tu habites où? À Montpellier. Oh, Nestlé, je t'aime. Et ben voilà, ça va, tous vos rêves sont réalisés. Tu fais quoi dans la vie à Montpellier, Nestlé? Je suis en dernière année d'école d'ingénieur en agroalimentaire. D'accord, ça veut dire vie active à partir de l'année prochaine, si tout va bien? Vie active à moitié, parce que je suis en contrat de professionnalisation, donc en fait, je suis à moitié à l'entreprise et à moitié à l'école. D'accord. Voilà. 115 euros, qu'est-ce que c'est? Oui, alors 115 euros, c'est j'ai payé pour moi et mes amis, on est allé faire un escape game. Ah, en fait, génial. Alors, voilà, ça, là, super. Il faut que... Faut qu'on revienne sur ces trucs, parce que ça, j'en ai vu, ça me chauffe. Escape game, voilà. Est-ce que tu peux expliquer le concept, s'il te plaît, Nestlé? Alors, le concept, en fait, c'est que donc il y a des salles à thème, et dans ces salles, on est complètement immergé, parce qu'on a des déguisements et tout ça. Donc, nous, on est allé faire Alcatraz. En fait, on était des prisonniers d'Alcatraz, et on devait réussir, on avait un créneau d'une heure pour réussir à sortir de la salle. Et en fait, ces salles, elles sont pleines d'astuces, d'énigmes à résoudre. Et on a une heure pour réussir à sortir. Ouais, voilà, et si au bout d'une heure, tu sors pas, qu'est-ce qui se passe? T'as perdu. Il se passe rien, mais t'as perdu. Donc bon, après, c'est une fierté pour en sortir, parce qu'il y a quand même que 3% des gens qui arrivent à sortir. C'est des salles qui sont super difficiles. Ouais, ça dépend lesquelles, mais après, ce qui est cool, c'est que t'es dans une petite pièce, t'as le chrono donc affiché au mur, c'est hyper stressant. Donc t'as des parties techniques. Par contre, nous on n'avait pas le chrono, mais en fait on avait le bruit, on avait toutes les 10 minutes le bruit, on avait des bruits de clés par exemple. En fait, c'était un gardien qui faisait des rondes toutes les 10 minutes. Ouais. Donc on savait à peu près le temps qu'on avait toutes les 10 minutes. Quoi. Ouais, mais nous on avait un chrono. Donc la mienne, elle était mieux. Et donc des fois en fait t'es dans une petite pièce, tu dois résoudre des trucs, t'as des trucs physiques aussi stratégiques comme dans Fort Boyard, tu vois, où tu dois faire rouler une bille pour ouvrir un truc. Et des fois tu peux genre t'ouvres un tapis et dessous il y a une trappe. Et tu passes dans une autre salle, tu vois, où t'as un mur qui bouge, tu t'en rencontres au bout d'un quart d'heure qu'il y a une autre salle derrière. Bah, enfin bref, c'est une vraie aventure, c'est génial. Moi qui ai fait Fort Boyard, j'ai fait ce que tu disais, j'ai fait rouler une bille, enfin une boule. Ouais. C'était Elliot. C'était agréable. Nestlé ! Oui ? 115 euros, c'est cadeau, c'est pour moi. Ah bah c'est génial, super, je suis trop contente, merci beaucoup. Je te fais des bisous. Merci à toute l'équipe. Bisous. Ciao, Nestlé. Hangover, Tayo Cruz, Florida. Vous savez quoi? Le petit extrait que j'ai passé tout à l'heure, ça m'a filé une envie. Parce que, en général, quand je vous mets le petit extrait de YouTube que j'ai passé tout à l'heure, c'est que je lance un sujet un peu love. Et je me rends compte que depuis qu'on a attaqué l'émission, il y a une rubrique qu'on n'a pas fait encore, que vous aviez adoré l'année dernière, qu'on a lancé il y a moins d'un an. C'était le Bruno dans ton couple. Ah oui, c'est vrai. Bruno dans ton couple, vous vous souvenez du principe? Vous voulez tester votre couple? On a tout piqué aux amours de Tex. Hein. Attention, on n'a rien inventé. Vous voulez tester votre couple? Eh bien, vous m'appelez maintenant au 3228. On vous pose des questions sur votre couple et après, on appelle votre mec ou votre meuf, on pose les mêmes questions et on

come again. Give me hen, give me gin, give me liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till a friend? Like all my homies, tie, yo, we can all sip again. Get it in, and again, leave evidence. Waste it, so what? Irrelevant. Dip kick to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean the bag, I sound too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never throw up, so let the drinks go up, oh up. I got a hangover, whoa. Been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more. Dayo Cruz, Florida sur Fun Radio. Je t'aime, mon amour. C'est l'heure de Bruno dans ton couple. Sur Fun Radio. Bravo le standard, bravo Amélie, bravo Luzman. On demande un truc et on l'a, c'est beau, ça fait plaisir. Ce sera ça, cette nouvelle saison. Merci les amis. Merci. Merci le standard. Ils ont toujours des mots incroyables. Ouais. Ah, voilà. Bonjour Céline. Bonjour. Céline, parle-nous de toi. Tu as quel âge? Tu habites où? Tu fais quoi dans la vie? Alors, j'ai 27 ans. J'habite une petite commune à côté de Limoges qui s'appelle Saint-Maurice-les-Brousses. Ouais. Et je suis couturière. Très bien. Parle-moi maintenant de lui. Alors, il a 27 ans aussi. Ouais. Et puis, il habite avec moi normalement, d'après ce que je sais. Et il est enseigniste. Il est quoi? Enseigniste. Ah, il fait des enseignes. D'accord, ouais, très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 7 ans et demi. D'accord. Vous êtes mariée? Non, j'attends. Ah, t'attends qu'il te demande? Ouais. Il y en a une autre aussi qui attend, ouais, ici dans le studio. Je vois pas de qui vous parlez. Bon, alors Céline, hors antenne, je crois qu'on t'a posé des questions, d'accord? On t'a posé des questions et ces questions, on va les poser à ton chéri qu'on a appelé du coup, qu'on va accueillir ici en direct sur Fun Radio. Tu me promets que tu lui as pas envoyé de texto pour le prévenir, pour lui dire que... Rien du d'accord, tout, il donc... est hors boulot, donc il est d'accord. Bon. Donc on va lui poser les questions puis on va comparer vos réponses, d'accord ma chérie? Ok, pas de soucis. Bonjour Yann. Salut la famille. Bienvenue sur Fun Radio, Yann. Yann, nous allons te poser des questions dont j'ai déjà les vraies réponses puisque ces questions nous les avons posées à ta chérie Céline, d'accord? Oui. Et maintenant le but c'est que t'essayes d'avoir un maximum de bonnes réponses et pour voir si vous êtes vraiment compatibles. Oui. Et si t'as un maximum de bonnes réponses, t'es obligé de la demander en mariage à l'antenne. Ok Yann. Je paye ma facture, pas de problème. On y va, première question, facile. Yann. Oui. La date de naissance de ta chérie c'est quoi? 22 avril 89. Bien. Ah. Ouf. Oui. Elle me le répète tous les jours, alors je peux pas l'oublier. Hein. Céline, ça fait un point. Ouais, pour une fois qu'il l'a sait, celle-là. C'est pas dans tous les couples qu'on connaît la date de naissance. Hein. J'ai mis du temps avant de la connaître. Ouais. Ah, c'est quoi alors? Vas-y, dis-le. La date de ta meuf. Vite, vite, vite. Vite. Non, mais c'est octobre 89. Ouais, ok, laisse-moi. 9. Quelle est la date, Yann, de votre premier bisou? Deuxième question. Je sais pas, alors là, 29 mars, je sais pas la date, l'année d'avant. Ah, mais d'accord. Je croyais que ça partait bien, c'était 27 mars, je me suis dit, il est quand même pas loin. À deux jours près, je l'acceptais. Mais l'année, c'était 2009. Ah, ben peut-être, alors. Je m'en rappelle pas. c'est cette date qui est importante aussi, mon chou. Hein. Non. Non, mais il a un vrai problème sur les dates, c'est pas possible. Hein. Je peux pas me rappeler de tout. Hein. Ça, c'est... ça, c'est sûr. C'est ça le problème avec vous, les filles, c'est que vous avez souvent le choix dans la date. Hein. C'est ça le truc. à ton avis, elle te donne quelle note au lit sur 10, Yann? Oh, bah, 10 normalement. Combien t'as dit? 10. Comment il se la pète? Céline, t'as mis combien? Ah, j'ai dit 8, ça faut pas abuser non plus. Oh bah dis donc, et pourtant vu comment t'es gourmande. Fous-toi de ma gueule. Oh là là, la gênance. Ah, j'adore. Mais il pourrait améliorer quoi alors? Un peu tout. Personne n'est parfait. Mais... Allez, une petite dernière. Yann, à ton avis, qu'est-ce que Céline n'aime pas dans ton physique? Mes fesses. Non. Ça a rapport avec ton poids, elle te trouve trop maigre. Ah, mais ça. Je suis trop maigre, elle est un peu trop forte. Oh

revient sur l'actu de ce vendredi, celle de septembre. Maxime Poulaouec, pour les infos, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. La météo pour commencer, le soleil brillera sur quasiment tout le pays. Des nuages en revanche pour la Bretagne et la Normandie avec le retour de la pluie en soirée. Il fait 17 degrés ce matin en moyenne. Dans l'après-midi, comptez 19 à 22 en Manche. Plus généralement, 26 à 30 sur la moitié nord, jusqu'à 35 dans le sud. 35 par exemple à Avignon et Montauban. Il était important de renouer avec la victoire. L'équipe de France de football a remporté un match amical contre l'Italie hier soir 3-1. C'était la première rencontre depuis la finale de l'Euro perdue contre le Portugal. Les Bleus débuteront les qualifs pour le Mondial 2018 mardi en Biélorussie. À 8 mois de la présidentielle et en pleine polémique sur la réforme du collège, François Hollande veut s'attaquer au lycée. Le président en déplacement à Orléans hier à l'occasion de la rentrée scolaire a évoqué de futures modifications sur les programmes des lycéens. Il veut tourner les filières générales et professionnelles vers les métiers d'avenir. Le président a également défendu calmement son bilan en termes d'éducation. Bernard Cazeneuve dans les Hauts-de-France. Le ministre de l'Intérieur se rend aujourd'hui à Calais pour rencontrer la maire de la commune et rassurer les habitants. Il a déclaré hier soir vouloir démanteler la jungle étape par étape, mais avec détermination. 7 à 9 000 migrants vivent sur le site. Les femmes et la jeunesse, ça match de plus en plus. Selon une étude de l'INSEE révélée hier, les couples où l'homme est plus jeune que la femme se multiplient. 10% des couples dans les années 60 et 16% pour les années 2000. Et le phénomène concerne surtout les quadras. À 43 ans, 15% des femmes ont un conjoint plus jeune. Enfin, votez pour votre DJ préféré. La 4e édition des Fun Radio DJ Awards se déroulera au mois d'octobre à Amsterdam. La cérémonie récompensera les meilleurs DJ selon 6 catégories. Et les votes sont ouverts depuis ce matin sur partyfun.fr. Et 8h35, bon réveil avec Bruno sur Fun. Bruno sur Fun Radio! C'est la rentrée! Wouh, j'ai trop contente! Bruno vous réveille. Wow, c'est trop bien! On assure. 6h-9h sur Fun Radio. 8h35, c'est Fun Radio. Nicolas le pervers, il est de retour. Vous aimez Soprano avec Je suis en feu. C'est le nouveau single de Soprano. Eh bien, vous adorerez Nico le pervers. Je suis un chien, j'ai chaud, je suis un chien. Comme l'équipe de Gengar, mon palmarès est gênant. Je suis un chien. J'ai trempé mon pinceau dans de la terre, dans de la purée, dans du flan. Je suis un chien. Voilà, Nico le pervers, qui a fait une bonne année et demie de prison, quand même. Oui. Et puis, qui était en conditionnel, là. Enfin, Disons, ouais, j'ai mon bracelet électronique au pied, je peux pas trop m'approcher des meufs, mais de temps en temps, quand même, je dérape, quoi. D'accord. Il m'arrive de déraper, il m'arrive de faire de la gardave et je me finis dans un képi, quoi. Bon. Et puis, mais bon, parce que j'ai besoin, c'est une maladie en fait. Depuis que je suis petit, j'ai besoin de me soulager tout le temps. Oui, je comprends. Ouais, il m'angoisse. Franchement, si vous avez l'appli Bruno dans la radio ou si vous êtes sur funradio.fr, allez voir quand Nico le pervers est là parce que vraiment ça vaut le coup. Je me frotte vraiment la teub contre la table. Ouais, c'est suffit, ça qui gêne. Ouais, ça, on a compris. Pour que les gens aient l'image. Oui, on a compris. On va écouter ça dans quelques secondes, mais pour l'instant, on joue. L'essentiel est de ne pas paniquer. Wow. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Jeu des 30 secondes, il y a Héloïse qui nous a appelé. Elle habite à Vichy, elle a 18 ans, elle est étudiante infirmière. Applaudissements pour Héloïse. Bonjour. Bonjour Héloïse. Bonjour. Comment ça va ma chérie? Ah bah je suis super contente. Tu m'as l'air un peu intimidée Héloïse. Disons que quand on vous écoute tous les matins et qu'on passe à la radio, normal. Et tu te détends. Oui. Tu n'as dans cette pièce que des amis, que des gens qui t'aiment. Qui t'aiment peut-être même un peu trop. Oh oui, moi je t'aime très fort, déshabille-toi. Héloïse, ce matin tu vas jouer face à Johan. Johan a 29 ans, il habite à Rouen, il est imprimeur. Applaudissements pour Johan. Bonjour Johan. Salut la famille. Johan, ça va? Salut bien mon pote? Oui, on t'a entendu. Bonjour, ah, bonjour. Bonjour, vous m'entendez pas. Monsieur, bonjour à vous. C'est vrai que des fois, Fonf qui réalise cette émission ne baisse pas la musique quand je parle, donc on n'entend pas bien, mais enfin, on vous entend quand même. Johan et Loïse, jeu des 30 secondes. Quelqu'un de l'équipe que vous allez choisir va tenter de vous faire découvrir un maximum de mots en 30 secondes. Pour l'instant, car c'est la nouvelle règle, chaque gagnant revient le lendemain et c'est Vaché qui va tenter une... troisième victoire. Quatrième victoire. Oh, quatrième victoire. Écoute, je vais faire ce que je peux. Donc ça veut dire que l'un de vous deux va choisir Vaché. Qui joue avec Vaché? C'est moi. Héloïse joue avec Vaché. Et qui va être challenger de Vaché avec Johan? Moi je vais choisir Christina. Yes. Allez, je vais prendre ma revanche. Bon Christina, parce que là en fait, ce qu'il faut vous dire c'est qu'on reçoit beaucoup de messages sur Twitter avec le hashtag Bruno Fun Radio qui disent faites perdre Vaché, il est beaucoup plus drôle quand il perd. C'est vrai. C'est vrai. Non, je suis d'accord, je vais tout non, faire. Non, t'inquiète pour. Pas Héloïse, sois concentré, je le serai aussi. Johan, c'est toi qui va commencer avec Christina. Ah bon? Ok. Ouais, bah j'ai envie. Bah, c'est pas toujours la même chose. Ah d'accord. Bah, on est allez, Christina. Alors, okay. Christina commence avec toi. Est-ce que tu es prêt? Elle ne connaît pas les mots. Elle va les découvrir au lancement du chronomètre. Oui, oui, je suis prêt. Top chrono, on y va. Ok. Quand tu veux être gentil avec quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de cool, tu lui dis. C'est une formule de politesse. Tu lui dis. Quand t'es poli à la fin, tu dis quoi? Par exemple, tu vas chercher merci. Du pain. Oui, voilà. Quand tu aimes bien les gâteaux, tu es. Comment? Ouais. Là, on est au mois de. Septembre. Ouais. Quand tu fais l'amour et que c'est cool, tu as un. Quand mais tu fais l'amour et que c'est cool, ouais, il y a 12 non, mais... ans. Quoi. Mais c'était orgasme. C'est quoi le temps que t'as mis avec merci? Mais je sais pas. Je savais pas comment le faire deviner. J'ai galéré de ouf. On dit s'il te plaît ou? Bah oui. Bah excuse-moi, je suis. Ah, choqué. Je me suis foiré. Je suis désolé, mon chou. Voilà, je te cache pas que. Ouais. Ouais, mais je sens que les mots difficiles vont arriver maintenant. C'est Héloïse. Oui. Il faut faire mieux que 3 bonnes réponses. Ok. T'es prête? Ouais. Vaché, t'es prêt? Ouais, bien sûr. Ouais. Top chrono, c'est parti. Alors, tu t'élances d'un. Quand tu, pour sauter dans une piscine, tu t'élances d'un. Plongeoir. Ouais. Après ton mariage, tu as la nuit de. La lune de miel. Non, la nuit de. De noces. Ouais. Sur un barbecue, quand, avec de la viande, tu fais des. Saucisses. Non. Grillade. Ouais, voilà. Avant ton permis, tu passes ton. Code. Ouais. Quand on te fait des guilis, on te fait des. C'est un synonyme. Ouais. Une pomme ou une banane, c'est un. Fruit. Ouais. Il est aussi. Putain. Oh là là, mais quand est-ce qu'il va tomber? Yes. Wow. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis devenu un dieu. Les amis, Vaché. 4 victoires. Ah, j'y croyais pas là, j'y croyais pas. Grillade, plongeoir. Oh là là là là. J'ai la tête qui tourne, je vous jure que c'est vrai, je vais tomber dans les pommes. Combien de bonnes réponses? 6 pour Vaché, 3 pour Christina. Héloïse, c'est gagné! Oui, merci! Bravo Héloïse, t'as été au taquet, c'est bien. Eh, les amis, il faut relever la tête, hein. On peut pas le laisser gagner. Ah, non, ouais. Hein, c'est pas possible. Et cela dit, l'année dernière, il avait eu une très bonne première semaine et après il avait dévissé. Ouais, c'est vrai. Parce que le problème, c'est que tu t'enflammes, tu te mets la pression. Ouais. Je te connais par cœur. C'est ça. À partir de lundi, ça va être très très compliqué. Héloïse, à l'occasion de la sortie en DVD du film Fun Radio, Le Chasseur et la Reine des Glaces avec Chris Hemsworth, Charlize Theron et Jessica Chastain, je t'offre le DVD plus un iPad Air 2. D'accord, ma belle? D'accord, c'est super. Merci beaucoup. On t'embrasse bien fort. Moi aussi. Hein. Merci. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. Johan. Oui. L'essentiel, c'est de participer. Ouais, tant pis, c'est pas grave. Quelle phrase hein. De loser. Désolé. Hein. Ouais, ça c'est vrai, ça. Je comprends pas comment t'as fait pour merci. Je sais pas, écoute, je me suis foiré. Hein. T'as pas paniqué, mots. Je pense. Ouais. Et je depuis me suis longtemps. Trop mis la pression. Ouais. Cet été, ça sent que t'as pas beaucoup niqué. Hein. Merci, Yannick. Non, mais alors c'était drôle la première fois, ça sert à rien de répéter, Yannick. Puisqu'on en parle, Nicole Pervers, ça arrive et Snake. Et puis, on aura un moment love. Un vrai moment d'amour avec une belle histoire. C'est important aussi parce que là, vous parlez de je suis en chien. De... Moi, je veux qu'on remette un peu de tendresse dans le débat. Bonjour Damien. Salut Bruno, salut la famille. Coucou. Il est à Avranches, il a 28 ans. Le moment love, c'est quand un auditeur ou une auditrice nous partage une histoire d'amour, mais originale. Un truc qui arrive rarement. Mais on va en parler avec lui sur Fun Radio après ça. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Award. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing.

Vendredi, c'est le 2 septembre, c'est Fun Radio, c'est Nicole Pervers. Je suis un chien, j'ai chaud, j'ai ça va arriver là dans quelques secondes. Chaud, je suis un chien. Et donc du coup, pour faire un pendant à Nicole Pervers, j'aimerais qu'on fasse un petit moment un peu plus doux. Juste avant, ce qu'on appelle un moment love. Damien est avec nous à Avranches. Bonjour Damien. Salut Bruno, salut la famille. Moment love, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire d'amour, certes, mais une histoire d'amour originale. On a vu par exemple... une maton, une gardienne de prison qui était tombée amoureuse, souvenez-vous, d'un détenu qui nous avait appelé, qui était avec depuis 10 ans, le gars était sorti de prison, c'était l'année dernière. On a vu également cette histoire qui avait lancé le moment love dans un aéroport. Une nana, un mec qui se croise par hasard deux fois, ils sont en transit et du coup, hop, ils sont sortis ensemble, ils sont toujours amoureux. On aime bien les histoires d'amour un peu originales. Comment s'appelle ta moitié, Damien ? Aude. Aude ? Oui. Comment vous vous êtes rencontré avec Aude ? Alors, ça s'est fait de manière très surprenante, dans le sens où, en fait, je travaillais dans une grande enseigne de bricolage. Ouais, lequel ? Monsieur Bricolage ? Non. Point P, c'était Brico quoi ? Brico-dépôt. Non, Castorama. Castorama, ah. Très bien. Tu sais que voilà. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Hein, ouais, je te jure, bien sûr. C'est l'ancien slogan, ouais, donc je peux le confirmer aujourd'hui. Bon. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Bah, la preuve, si t'as trouvé ta meuf. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça s'est passé comment ? Ben, en fait, voilà, ma femme est ostéopathe. Ouais. Et en fait, Casto nous offrait une séance d'ostéo une fois par semaine. Et donc, je me suis inscrit. Et en fait, le jour où elle est venue, je l'ai croisée dans la salle de repos. Et là, j'ai fait « Waouh, là la beauté !» quoi. Et je suis resté con. Et du coup, j'ai un peu fait mon mec en disant « Ouais, c'est moi, je suis ton dernier rendez-vous aujourd'hui, machin, et tout. » Enfin bon, bref, voilà quoi. Et je l'ai un petit peu baratiné, et puis en définitive, on a commencé à se fréquenter, et tout ça, mais juste professionnellement pour l'instant. Et puis elle a commencé à me manipuler, à me remettre comme il fallait. Et puis au bout d'un moment, j'ai craqué, je lui ai dit que j'étais red dingue d'elle et que je voulais faire ma vie avec elle. Oh, oh là c'est là. Beau voilà. Mais alors, elle t'a remis les vertèbres et tout, ça a commencé comme ça, quoi. Voilà, d'abord elle m'a remis droit et puis maintenant elle me remet droit tout le temps. Tu lui as vraiment dit que t'étais red dingue d'elle, genre. Oh mon dieu. Red dingue car tu vois, c'est la première fois pour moi. Oui, musique de vieux. Oui, non. Damien, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça va faire un an bientôt. Ah bah c'est beau. Et pour un mec voilà. Qui bosse chez Casto en un an, tu l'as démonté ou pas ? Oh. T'as compris ? Oh. T'as compris ou pas ? Non, c'est elle qui m'a démonté. Avec ton outil. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. On a compris, on a fait le tour. Damien, c'est une belle histoire. C'est magnifique. Soyez heureux tous les deux, on vous embrasse. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bisous. 8h51, c'est Fun Radio. C'est bien d'avoir une vraie histoire d'amour avant de passer à ce qu'on va écouter maintenant, tu vois. Je trouve que ça permet du coup de faire l'équilibre, ça s'appelle Le Grand Écart. Voici la nouvelle parodie de Nicole Pervers, ça s'appelle « Je suis en chien ». On a repris le dernier titre de Soprano, Nicole Pervers, ça donne ça. Je suis un chien, j'ai chaud, je suis un chien, j'ai chaud, je suis un chien. Comme Zinedine Zidane, je veux la mettre dans le mille, je suis un chien. Ce soir j'ai des fourmis dans ma culotte, je vous le dis, je suis un chien. J'ai préparé des nouilles pour y tremper mon kiki. Je suis un chien. Je vais faire tub chef jusqu'au bout de la nuit. Je suis un chien. Ce soir j'ai la tour de piste plus redressée que jamais. Je suis un chien. Comme Renaud Laville et Nîmes, ma perche, je veux la planter. Je suis un chien. Houston, soyez prêts. Boum, ma fusée décolle. Je suis un chien. Mon seul but dans la vie c'est Ken et ce depuis l'école. Je suis un chien. Je sens que je suis en train de briller. Normal c'est que je transpire trop. 30 ans que j'aimerais rentrer mes petites chouquettes au fourneau. Si tu me croises, n'aie pas peur. Si tu me parles, n'aie pas peur. Je n'ai pas peur, même si putain je suis en chien. Je suis en chien, je suis en chien. Même si putain je suis en chien. Je suis en chien, je suis en chien. Crois-moi ce soir je suis en chien. Je suis en chien, je suis en chien. Crois-moi ce soir je suis en chien. Je suis en chien. J'arrive pas à chanter dans les aigus, ok. Un point pour Soprano, zéro pour Nico. Je suis en chien. J'ai chaud, je suis en chien. J'ai chaud, je suis en chien. Comme l'équipe de Guingamp, mon palmarès est gênant. Je suis en chien. J'ai trempé mon pinceau dans de la terre, dans de la purée, dans du flan. Je suis en chien. J'aimerais aller de l'avant et me trouver une petite meuf. Je suis en chien. En attendant, je fais des trous dans le coussin du canapé neuf. Je suis en chien. Ce soir, je veux que ma tour Eiffel caresse un nuage. Je suis en chien. Je voudrais qu'un bouquin accepte que je mette mon marque-page. Je suis en chien. Je voudrais insérer ma péniche dans un lac. Je suis un chien. En clair, je recherche un suis un chien. Je sais que je suis en train de briller parce que j'ai la peau grasse. 30 ans que j'aimerais tremper mon spéculoos dans une tasse. Si tu me croises, n'aie pas peur. Si tu me parles, n'aie pas peur. Si tu me touches, n'aie pas peur. Même si putain je suis en chien, je suis en chien, je suis en chien. Même si putain je suis en chien, je suis en chien, je suis en chien. Crois-moi ce soir je suis en chien, je suis en chien, je suis en chien. Yeah, même mon chien il est un chien. Ça sent la ken, ça sent la ken. Appelle tes copines, j'suis chaud, j'suis chaud, j'suis chaud, j'suis chaud. Je suis prêt à ken, je le sens. Je suis prêt à ken. Appelle tes copines, j'suis chaud, j'suis chaud, j'suis chaud, j'suis chaud. Le jour de la ken c'est maintenant. Faut que ce soit maintenant. Appelle tes copines, j'suis chaud. Même leurs grands-parents, j'suis chaud, j'suis chaud. Je veux plus ken des pots de fleurs, d'échappement ou de beurre. Appelle tes copines, j'suis chaud, j'suis chaud. Je sens que je suis en train de briller, normal, c'est que je transpire trop. 30 ans que j'aimerais rentrer mes petites chouquettes au fourneau. Si tu me croises, n'aie pas peur, si tu me parles, n'aie pas peur. Si tu me touches, n'aie pas peur, même si... Putain ! Chien. Beaucoup de gens qui demandent si on fera une séance de dédicace de Nicole Perrière. Non, on peut pas, il a pas le droit. Hein, voilà. Je signe tout de suite avec quoi, votre avis, un stylo? Non, je ne veux pas le savoir. Avec un stylo 4 couleurs. 8h54. C'est plus gros, indice. Et prévenez-moi, il y a Nadine Morano qui est en train de passer à la télé. J'ai failli vomir mon petit-déj. Moi. Balancez pas n'importe quoi sur les images quand même, les amis. C'est l'heure du JPI, JPI journal point d'image, faux journal de l'émission. C'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Just. Vous en connaissez? Ah non, et vous? Justin Bridou, pardon. Et pour commencer, États-Unis. Pour la première fois aux États-Unis, le virus Zika a été détecté chez des moustiques à Miami. Et rappelons que le virus Zika est sexuellement transmissible. Ouais, en même temps, faire l'amour avec un moustique... Non mais je préfère prévenir l'homme qui a enculé les mouches, hein, au cas où. Science, des scientifiques ont découvert comment est morte la première femme préhistorique, Lucie. Ah, et comment? Comme ça. Lucie, dépêche-toi. Aïe, une mort violente, donc. Yann Barthès vise le million de téléspectateurs avec sa nouvelle émission sur TMC. Il aurait déclaré qu'à 1 million, il sabrerait le champagne. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Félicitations ! Bravo à tous ! Champagne ! Ah, Yann Barthès ouvre déjà le champagne ? Non, je suis au siège de la chaîne Vivolta. Ils viennent d'avoir leur premier téléspectateur. Ah ouais, en effet, champagne, la suite. Moi, je lui souhaite réussite. J'aime beaucoup Yann Barthès. Et puis, il y a nos potos, Quentin, Eric. Un truc à regarder le soir à la télé. Ça fait plaisir. Et pour finir, si vous aimez les chanteurs français et la mécanique, découvrez Lilywood and the Creek. Yeah ouais. Voilà, c'est la fin du JPI. Oh, mais c'est quoi? C'est mieux hein, que ça s'arrête. Hein. Ouais. Il y a un moment, je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Ouais. Vous avez prévu quoi ce week-end, la team du JPI? Moi, trouver un scooter, puisqu'on me l'a volé cette nuit. Ah oui, c'est vrai. Que... Et toi, Karina? Lui rendre. Je vais l'aider. Lui rendre, oui. Ouais, voilà. DJ Snake et Justin Bieber sur Fun. Smoke and mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up.

président détaillera les mesures prises après le sommet du G20 en Chine. L'ampleur de cette diminution jusqu'à présent évoquée tourne autour de 2 milliards d'euros. Les riverains, les policiers et les routiers sont excédés. Bernard Cazeneuve se rend dans les Hauts-de-France aujourd'hui alors que les appels au démantèlement de la jungle de Calais se multiplient. Il va rappeler sa détermination à la maire de la commune. 7 à 9 000 migrants vivent sur le site. Bordeaux, ville préférée des Français, selon une étude de Great Place to Work, 38% des sondés rêvent de travailler dans la capitale girondine. Une ville plébiscitée pour son climat, son dynamisme et sa qualité de vie. Nantes et Toulouse complètent le podium avec 26%. Paris prend la 7e place. Marseille n'est qu'en 19e position. Martin Garrix, David Guetta, DJ Snake, la 4e édition des Fun Radio DJ Awards se déroulera le mois prochain à Amsterdam. Vous pouvez voter pour votre DJ préféré dès maintenant sur partyfun.fr. 9h05, bon réveil sur Fun Radio. Radio. 9h05, c'est Fun Radio, vendredi, nous sommes le 2 septembre, bonjour! Bonjour! Oh putain, c'est vendredi! Mais oui les amis, c'est vendredi, vous en avez tellement chié cette semaine. Si vous êtes rentré hier, c'est exténué que vous attaquez ce vendredi, ce soir c'est le week-end. C'est bien, 24 heures de boulot, un petit peu de week-end, ça repose. Bob Sinclair, ça arrive dans quelques secondes sur Fun Radio, il y aura Cachemire. Et Carla's Dream. Carla's Dream, tu te dis quand tu l'annonces, mais c'est quoi? Et vous dites, mais je sais pas, je connais pas, mais si, c'est ça. J'adore. J'adore ce truc. Toute l'équipe de Bruno dans la radio, elle est là, elle est au taquet. Il y a Christina. Bonjour. Il y a Vaché. Et bonjour. J'ai un message vite fait là, parce que je vois beaucoup de choses qui tournent sur les réseaux sociaux, page Facebook notamment, et puis j'ai un peu les boules parce que j'ai le fils d'un pote à moi qui s'est fait carotter plus de 100 balles par des petits cons qui s'amusent à pirater les comptes de personnalités radio. Alors je le dis, ça m'arrive à moi, mais je sais que j'ai d'autres potes de radio à qui ça arrive en ce moment. Ce sont des faux comptes qui vous requestent en ami. Sachez voilà, que je ne fais pas de demande d'amis pour éviter justement que vous vous trompiez. Voilà. Donc, si vous avez une demande d'un compte Bruno Guillon ou Bruno Guille ou Bruno Guillon Guillon, etc., ça n'existe pas. Au pire, que ces gens-là n'aient pas de vie et essayent d'usurper une identité sur les réseaux sociaux, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est qu'ils vous incitent à appeler un numéro de téléphone pour gagner des iPhone 6. Voilà. Et ce genre de concours, et d'une, c'est interdit via les réseaux sociaux, et de deux, ne le faites pas. Ce sont des numéros surtaxés. Et je te dis, là, j'ai la copine d'un pote qui m'a appelé cette semaine. Le gamin, il y en a eu pour 110 boules de téléphone. Et alors, le truc, c'est qu'on peut rien faire parce que souvent, c'est des gens qui sont à l'étranger. Donc, la seule chose que vous faites quand vous avez ce genre de demande sur Facebook, vous dénoncez. Il y a un petit icône sur lequel vous pouvez cliquer et dénoncer auprès de Facebook pour que le compte soit annulé. Mais voilà, même si on les annule aujourd'hui, il y en aura d'autres demain. En tout cas, sachez que sur Facebook, il n'y a pas de jeu concours où j'offre des téléphones. Ça n'existe pas. Et puis, si vous avez une demande d'amis d'un certain Elliot Chemlet, que je vous rassure, hein, c'est bien le vrai. C'est juste que je veux vous pécho, voir vos photos. Hein. Me refusez pas, s'il vous plaît. Bah, allez, tiens, Elliot, que t'es là, c'est le top 3. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Top gracias mucho. Les 3 meilleurs moments de l'émission compilés par Eliott, c'est le top 3. Numéro 3. Et Bruno, aujourd'hui, c'était le grand retour du Bruno dans ton couple. On l'avait pas fait depuis qu'on est intervenu. Tu peux nous expliquer le principe parce que je sais que je vais me foirer. Alors cette année, je prends plus de risques. Je te laisse faire. Écoute, on a piqué le principe aux amours. Alors là, on n'a rien inventé. Hein. Vraiment, c'est l'émission de France 2 là du matin. C'est-à-dire que une fille ou un garçon nous appelle, on lui pose des questions et ensuite on appelle son mec ou sa meuf et on pose les mêmes questions et on compare les réponses pour voir s'ils sont vraiment un peu beaucoup à la folie amoureux ou pas. Oh là là, c'était limite. Hein. Le mec, il nous a fait des réponses très cheloues, très tendancieuses. On était même gêné vers la fin. Réécoutez, c'est parti. Elle te donne quelle note au lit sur 10, Yann? Oh bah, 10 normalement. Combien t'as dit? 10. Combien c'est la tête? Céline, t'as mis combien? Ah, 18, ça faut pas abuser non plus. Oh bah dis donc, et pourtant, vu comment t'es gourmande. J'adore. Il pourrait améliorer quoi alors? Un peu tout. Personne n'est parfait. Mais... Allez, une petite dernière, une petite dernière. Yann, à ton avis, qu'est-ce que Céline n'aime pas dans ton physique? Mes fesses. Par rapport avec ton poids, elle te trouve trop maigre. Ah, mais ça. Je suis trop maigre, elle est un peu trop forte. Eh bah super. Ah non, de dire des choses comme ça. On était bien sur ce couple-là ou pas? La gêne de l'équipe à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une règle sacro-sainte en couple. Quand ta meuf te demande « est-ce que j'ai pris ?», tu dis « non ». Non, toujours, ouais, toujours nier. Mais même si elle revient qu'elle a pris, tu l'as pas vue pendant un mois et demi, elle a pris 14 kilos, est-ce non, que j'ai non, pris non. Non, non, non. Moi, je veux même vous dire, ma femme, elle est enceinte, elle a un ventre énorme, elle m'a dit « tu trouves que j'ai un gros ventre ?» J'ai dit « non, je savais pas que t'étais enceinte, je ne le vois pas. Il n'y a pas de ventre, il n'y a rien. T'as jamais été aussi belle. » Tu parles de ta femme, la maman du futur petit Michel. La maman du futur bébé dont on ne donnera pas le prénom. Ou du petit Daniel. Ouais, un des deux. Je vous ai dit que c'est un prénom qui fonctionnait au Brésil. On est, parce que vous savez que ce matin on a fait un petit concours. Bah, on va en revenir dans le numéro 1. Ouais, arrêtez. Numéro 2. Juste avant, je voudrais revenir sur le chiffre du jour. Bruno, ce matin, tu nous as posé cette question. Il nous arrive en moyenne 6 fois quelque chose durant l'année. C'était quoi, à votre avis? La réponse, c'était 6 rhumes. Ouais. On va avoir 6 rhumes durant cette année scolaire. Et toi, t'avais parlé des poux. Exactement, ouais. Bon, j'aurais pas dû peut-être écouter. Oui, Elliot. Est-ce que ça serait pas avoir des poux 6 fois? Non, ça, c'est quand t'es petit, je pense. Mais ah ouais, après, ouais. Moi, j'ai déjà transmis des poux en. Non, c'était en 6ème. On a tous su, mais c'est horrible. Mais je crois que, de toute façon, le départ des poux en France, c'est Elliot. Ouais. On va pas se mentir. Ça, c'est Poulande. Sa tête, c'est Poulande. Son confort dans mes cheveux. C'est les poux quand ils vont sur Pouadviseur, qui est le site, tu vois, pour les poux. Pour partir en vacances. Il y a 5 étoiles sur la tête d'Elliot. Bien sûr. D'accord. Et même dans Airpoo&Poo. Ouais. Tu sais, sur les échanges de têtes. Des poux qui sont sur la tête d'un Américain qui viennent en France. Ils regardent. Et sur Elliot, ouais, il a des notes de ouf. Moi, je suis en relation en permanence avec Booking. Booking.com, c'est super. Booking.yeah. Vous êtes bêtes. Hein, ouais. Destination à mode, il y a plusieurs villes. Ben, on voit Phuket d'ailleurs sur ta tête. Oh, oh. Numéro 1. Bon, alors, numéro 1, c'est donc le sujet qu'on a fait à 7h15. Oui. J'explique. Vacher va être papa. C'est prévu pour la mi-octobre. Et Vacher nous avait confié, bon déjà que ça allait être un garçon, ça on l'a su en fin de saison l'année dernière, mais que le prénom serait un prénom qui marche à la fois au Brésil et en France. Et il veut pas nous donner le vrai prénom. Et nous c'est chiant parce que du coup quand on parle de cet enfant, on est obligé de dire cet enfant, le bébé, etc. On aimerait dire un prénom. Donc aujourd'hui on a demandé aux auditeurs de nous aider à trouver un prénom. Et à la finalité on a dit que tant qu'il serait pas nom, on l'appellerait Jean-Claudio. Voilà. Ouais. Mais visiblement, Vacher nous a avoué que sur les prénoms qui ont été donnés avec le hashtag Bruno Fun Radio, il y a le vrai prénom qui a été donné. Ouais, on recherche. Là, et donc, on hésite avec Christina. C'est une fille qui visiblement a trouvé le vrai prénom et on hésite avec Michel ou Daniel. Ce sera l'un des deux, je pense. Mais ça pue Michel. Hein. Michel. Vous pouvez me rentrer le numéro de Mariana, la femme de Vacher, sur le standard. Non, c'est Michel, c'est sûr, c'est réagi comme ça. Voilà, et comme ça, on va y aller à l'enfume. Je vais appeler sa femme en direct et je vais dire bah, c'est bon, et super, le prénom, il nous a dit. Oh non, Bruno. Confisque le téléphone fais de pas Vacher. Ça. Il a pris celui de Christina. Non, mais confisque le téléphone de Vacher qui lui envoie pas un SMS à sa femme. Non, j'en vois pas. Juste avant, on n'était pas sûr, là, on propose Michel ou Daniel, mais avant, on a proposé que des conneries, quoi. J'ai remis le début où on en a parlé, réécoutez. Mariana est désormais enceinte, et alors On a un petit problème. C'est que on est partagé entre le Brésil et la France. On est partagé entre les deux, monsieur. Vacher, depuis le jour où il nous a annoncé qu'il allait être papa, on a pleuré comme des cons. Hein. Moi, j'ai les larmes aux yeux quand il me l'a dit. C'est vrai qu'on est rendu à un stade de proximité dans l'équipe que maintenant j'ai l'impression que c'est mon frère ou ma sœur qui m'annonce des trucs. Je te jure. Nous avons besoin de vous pour prénommer cet enfant. On a commencé à réfléchir. C'est-à-dire qu'on est parti sur des prénoms où il y avait des trucs composés. Par exemple, Jean-Christophe, mais mélangé avec le brésilien et le français, Jean-Christopho. Exactement, sinon, Juan Claude. J'ai peut-être la bonne idée, c'est un prénom simple, c'est Oscaro. Vu que Vacher travaille à la radio, il entend Oscaro.com la pub tout le temps. Ouais, c'est et vrai. Ça fait un peu français, brésilien. Et ça me fera penser à mon fils quand j'oublierai d'aller le chercher à la crèche ou quand j'entendrai Oscaro.com. Merde ! En avril, je l'avais déposé à la crèche. Bon, on va essayer d'appeler vite fait la femme de Vacher. Tu vas faire comme t'as dit. Ouais, je vais dire, on joue le truc. Dis rien, vas-y, coupe le micro de Vacher. Coupe le micro de Vacher. Non, faites pas ça, c'est dégueulasse. Non. Coupe le micro de Vacher. Elle dort ou pas? Peut-être qu'on va la réveiller. Elle va être contente. Elle est en congé mat. Allô? Mariana? Oui. Bonjour Mariana, c'est Bruno, ça va ma chérie? Oui, ça va très bien. On appelle, bah bien, on appelle pour prendre de tes nouvelles déjà dans un premier temps. Comment ça va la grossesse? Parce que là, on approche du dernier mois, tu le vis bien? C'est pas trop dur? Oui, non, ça va, ça se passe bien. Un peu fatiguée, mais ça va. Elle a des ça bouge? Excusez-moi, ne dis pas. C'est pas trop douloureux, c'est pas trop. Ça va, la chaleur, tout ça, ça va? Bon, la chaleur, c'est un peu compliqué, ça gonfle les jambes et tout, mais bon, ça va, je gère. Moi, Mariana, je l'ai vue la semaine dernière, mais elle est sublime, c'est une magnifique femme enceinte. Merci, Christina. Ouais, de toute façon, elle est très belle. Elle est très belle. Mariana, on t'appelait juste pour te féliciter. Vacher nous a dit le prénom et on trouve que Michel, c'est super beau. Michel? On trouve que Daniel, c'est super beau. D'accord, bah... C'est Daniel. Je suis sûr que c'est Daniel. Regarde-moi, Vacher, c'est Daniel. Bah, demande-lui. C'est Daniel ou pas, Mariana? Je peux pas dire. Je le saurai. Dans quelques semaines, peut-être. Je suis sûr que c'est Daniel. Elle a eu une hésitation, genre c'est Daniel. Je suis sûr. Mais tu veux pas accoucher maintenant, qu'on sache? Mariana, je te fais des gros bisous, ma chérie. Bisous. Et tu prends soin de toi, tu fais attention, on t'embrasse fort. On peut sauter sur le ventre pour faire accoucher. Bah non. Mais ça va pas, non. Non, mais autrefois, ils appuyaient sur le ventre pour faire sortir le bébé. J'ai vu des vidéos. Bah, tu sais qu'on a fait ça avec Elliot la semaine dernière. Allez, hop. Bonjour les amis, comment ça va? Ça va super bien, en pleine forme. Moi, je vais demain à l'Inox Park. C'est l'événement Fun Radio, les amis. Ça va se passer en région parisienne. Il y a Nils Van Sant, il y a Don Diablo, il y a Chucky, il y a Tout Jamo, il y a Nervo. Ouais. J'hésite à y aller. Tu penses que j'y vais, Bruno? J'y vais. C'est sur la presqu'île de Chatou, c'est à Paris. Et en plus, on aura du monde en interview. Nervo, Joachim Garraud, faut que tu passes, Elliot. Vous allez vivre ça en direct sur Fun Radio. Vous faites quoi ce week-end, Christina? Ah bah c'est l'anniversaire d'Anso ce soir, avec une partie de l'équipe. Hein. Je pense que vous venez tous, non? Bah non. J'y suis, ouais. Anso que vous retrouvez le soir à 22h. Et après, tu fais quoi ce week-end? Après le reste du week-end, je sais pas, je profite de ma fille. Vacher, tu fais quoi ce week-end? Bon, en ce moment, on fait pas grand-chose vu que ma femme est enceinte, elle peut pas trop faire des trucs, donc on regarde des séries. Je vous conseille Bloodline en ce moment sur Netflix. Elliot, donc un petit coup d'inox? Tout dépend si j'ai bu beaucoup à l'anniversaire d'Anso, quoi. Tout dépend de mon état de samedi, quoi. Donc, Et toi, Bruno? Écoute, anniversaire d'Anso ce soir aussi, je pense. Ah. Et puis après, je bosse sur ma pièce de théâtre, là. Faut que je finisse l'acte 4 à apprendre, là. Donc j'ai du boulot. Ça approche. Voilà, comme ça, vous savez tout. Sganarelle que tu es. Et venez nous rejoindre sur nos Snapchat si vous voulez vivre nos week-ends. Bah, on a tous nos Snapchat perso. Bruno Guillon off pour moi. Christina Ninini. Pour Christina, Vacher. Avec 4 E, Vacher. Voilà. Et Elliot. Chem. Elliot Chem. E2LIOT CHEM. Voilà. Ding, comme ding, ça, ding, ding, ding, ding. On dirait Motus, quoi. Vous allez vivre nos week-ends. On revient lundi. On vous souhaite un bon week-end, les amis. Bisous sur vos culs et amusez-vous bien. Et vu que c'est demain, tiens, l'Inox Park, est-ce qu'on mettrait pas un double fun avant midi? Toi, t'es un foufou, toi. Hein? Nils Van Zandt, Don Diablo, vous m'appelez 3228 et puis l'Inox Park, c'est cadeau. Bisous, la famille, bon week-end! Bisous! Voici Bob Sinclair.